arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. À l'église, les cierges vont brûler, les vieilles ont la voix déchirée. Tous les jours, elles vont prier pour vous rester en bonne santé. Les femmes agitent les mouchoirs au moment du grand départ. Les vieux frottent leurs yeux mouillés, tel bien que vous les reverrez jamais. Dans ce monde merveilleux, escorté par les cris des mouettes, par tes danses, voyages périlleux, puissant plein à ta conquête, des vagues vous emporteront, vers vos espoirs les plus beaux, et des vents vous pousseront vers vos lointains rêves de marmots. Bon vent, les gars, soyez forts et ça ira. Tiens, ferme ta vanne, courage, vous saillons, l'équipage, marche à l'unisson. Assoiffé de liberté, ravi d'aventure intense, comme celle vous l'ont raconté, les pirates de votre enfance. La mer est tellement immense, séduisante à parcourir, votre espoir, votre conscience, nous aideront à réussir. Sur la mer des monts des chavilles, mon radio qui dans ses craques, la tête pleine de souvenirs. D'îles paradisiaques, des ferlantes escales de bistrot, vous souvent comme des frères, à prendre calot, pain très calot, à enfoirer une corsaire. Bon vent, les gars, soyez forts et ça ira. Car ferme ta barre, courage, vous saillons, l'équipage marche à l'unisson. Femmes et enfants, votre lueur s'illumineront comme une fête, vous guideront dans les tempêtes, par une allée vague déchaînée, dans votre âme on va voguer, et nous on sera par la pensée, avec vous dans cette odyssée. Faudra du courage, votre joie touchée par les orages. Tant que les larmes, le sang, la sueur couleront sur vos visages, c'est que vous aurez évité le naufrage. Toute splendeur a perdu sa fraîcheur, la violence des mots me colle à la peau. Spirale infernale, ce visage glacial, son emprise torturée m'a déglingué. consumée, alors abîmée, plus de lèvres closes. Dancing.

cry at night. I wanna see the light. Chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mabrika, tous les vendredis, à partir de 19h, on est ensemble pour 3h, et comme vous le savez, depuis déjà bientôt 13 ans, nous recevons régulièrement des invités dans nos studios, et puis on découvre tout au long de ces 3h, donc leur univers. La semaine dernière, nous avions reçu les oreilles qui saignent, mais si on remonte un petit peu plus loin, on va remonter jusqu'au mois d'octobre. Tiens, au mois d'octobre, il y avait le groupe Dérapade qui était venu, suivi des Corrosive System. On a reçu aussi notre ami Yous. On a reçu aussi le trio de Swing, le groupe Swing Camille. La Jarry aussi passée nous voir. Nous avons reçu Jesus Whiskey, Narcos, découverte dans l'émission Mavrika. Franchement, un très bon groupe. Et on avait poursuivi avec Alex Le Bail. Alex, d'ailleurs, qui nous écoute, j'en suis certain, et qui nous a confié l'émission de ce soir, puisque c'est lui qui nous a présenté les invités de ce soir. Je vous le dirai tout à l'heure. Donc voilà, on a reçu aussi le groupe de Gig qu'on a écouté tout à l'heure. On a reçu Elsia qui est venue nous proposer donc son dernier morceau. Nous avions fait aussi une superbe émission avec The Brunettes, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la semaine dernière, c'était les oreilles qui saignent qui étaient dans le studio, et d'ailleurs les photos ont été publiées, vous pouvez aller les retrouver sur le Facebook de l'émission Mavrika, et n'hésitez pas à aller faire un petit coucou et puis nous mettre un petit j'aime sur la programmation par exemple. Puis je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé, donc ça me fait plaisir, et en plus c'est des gens que j'aime beaucoup, donc ça me fait encore plus plaisir, parce que ce sont pour la plupart des artistes de la région orléanaise. Voilà, donc Dans les prochaines semaines, on va recevoir encore des artistes. La semaine prochaine, ça sera le groupe Ombrage, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps en concert. Et franchement, j'étais vraiment épaté par ce groupe. Donc, découverte du groupe Ombrage dans la semaine prochaine. Donc, la semaine suivante, ça sera Full System. Eux, ils sont déjà venus il y a quelques années, mais là, ils reviennent. Ils étaient aussi en concert au même temps que Ombrage, d'ailleurs. Ils étaient au Bouillon il y a quelques semaines. Et franchement, on a passé un super bon moment. On va recevoir aussi le groupe Glazone, découverte dans l'émission Mavrika. On écoutera peut-être un petit morceau si on a le temps aujourd'hui. Le 21 mars, voilà. Je me retrouve un petit peu dans mes petites notes, hein, parce que moi j'écris tout un peu dans n'importe quel sens. Donc ça sera les Satisguy, découverte dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et le 28 mars, donc, parce que là je m'arrête au mois de mars pour l'instant. On recevra... Non, là, je suis en train de dire des bêtises, c'est le mois d'avril. On recommence tout, hein, on recommence. Donc, Les Oreilles qui saignent, c'était la semaine dernière. Le 3 mars, voilà, c'est le groupe Ombrage. Le 10 mars, ça sera les Full System. Le 14 avril, ça sera les Glass Zone. Le 21, ça sera Satisguy. Le 28, ça sera Stéphane, que nous avons déjà reçu avec le projet Les Ailes au Nord. Mais cette fois-ci, il viendra nous parler aussi de son projet solo, donc Stéphane Acoustique. Voilà, on aura aussi le groupe Prisma, il y en aura encore d'autres qui vont venir, il n'y a pas de souci. Mais depuis le début de l'émission, on a déjà écouté pas mal de musique, je me dépêche parce que la musique se termine bientôt. On a écouté Les Oreilles qui saignent avec Bon Vent, on a écouté Elsie avec No Games, on a écouté Sika avec Enjoy, Barricade avec Bouge, The Gig avec A Real Good Time, c'est ce que nous allons essayer de passer ce soir. Bon, j'ai confiance dans le groupe qu'on reçoit ce soir. Et on va écouter juste après les Full System avec le morceau Pulsion. Et bien maintenant, je vais vous l'annoncer. Le groupe Anaïs from Paris est ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. La liberté est une pulsion, Thank you. parlé tout à l'heure, c'était le groupe Ombrage avec À part des mondes. Et donc le groupe Ombrage qui sera le groupe invité de la semaine prochaine. Donc ça sera l'édition numéro, je suis en train de calculer en même temps, ça sera la 542e. Et pour la 548e, nous avons nos invités, ils sont là ce soir. Il s'agit du groupe Anaïs from Paris, qui, comme son nom l'indique, vient de la région parisienne. Bonsoir Anaïs from Paris. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Les premières paroles des différents membres du groupe. Donc ça va me permettre de régler un peu vos micros au fur et à mesure. Donc ça va se faire comme ça. Très bien. Donc le groupe Anaïs from Paris, comme vous avez pu entendre ce soir, il y a trois personnes qui sont là. Mais le groupe, il est composé de combien de personnes normalement? On est quatre normalement. Quatre. Très bien. Donc, il y en a un qui n'a pas pu venir. Oui, alors en fait, il y en a deux qui ne sont pas là. Mmh. Donc là, on a emmené notre parolier qui nous écrit des textes sur certains morceaux. Mmh. Julien. Tout à fait. Très bien. Et donc, il y a François, notre guitariste-compositeur. Bonjour, bonjour. Et moi, au chant, et aussi j'écris des textes. Les textes du groupe. Et on a Pascal, qui est le bassiste du groupe, qui n'est pas là. Et Fred, le batteur. Très bien, donc le groupe au complet. Là, donc vous êtes venu de Paris, vous êtes venu faire un petit tour à Orléans. Vous connaissez déjà Orléans, non? Ou c'est la première fois que vous venez ici? Alors moi, ça fait la deuxième fois. Je suis allée une fois il y a longtemps, il y a moins 15 ans, non, même plus. Ah oui, facilement 15 ouais, ans. Ouais, on avait été à Orléans voir un ami musicien à l'époque. Et sinon, moi, je connaissais pas du tout. Enfin, je connais pas trop en fait. Donc Orléans c'est la capitale et Paris c'est la banlieue, si vous voyez les choses. En fait, c'est pas comme ça. Non, c'est pas en, en fait, déjà on n'est pas de Paris en fait. On est de Seine-et-Marne. Région parisienne. Voilà. Région parisienne. Ouais. Ouais, voilà. On vient de Seine-et-Marne, donc un peu moins de Paris quand même. À une heure de Paris. Ouais, ouais, ouais. Moi je suis à 30 km de Paris. Anaïs, elle doit être à 50 km de Paris. Mais bon, quand on a cherché le nom du groupe, on avait Anaïs qui est quand même un peu la chanteuse, un peu l'icône du groupe, et on se demandait, quel nom trouver. C'est toujours compliqué de trouver un nom de groupe. Et on s'est dit, c'était notre batteur qui avait proposé, Anaïs from Paris. Alors, le from en anglais qui fait un peu bizarre parce que quand on dit qu'on est de Paris, normalement on devrait dire Anaïs de Paris. Ouais, mais dit, ça c'est pour vous préparer à la carrière internationale, ça. Voilà, c'est ça. Tout à fait, voilà. Et quand vous dites que vous êtes à 30 km de Paris par rapport au monde, c'est tout près, c'est Paris. C'est tout près, tout à fait, ouais. Il y avait un clin d'œil aussi avec la série Emily in Paris. Mmh. Qui est diffusé sur Netflix. D'accord. Donc voilà, c'est un petit jeu de mots en fait avec cette série-là et puis les rimes avec Anaïs et puis Paris, enfin Paris. Ce mot-là, faut la prononcer à l'anglaise. Donc et en plus la particularité. Alors là, c'est drôle parce que vous n'êtes pas les premiers qui ont des noms en anglais et pourtant vous chantez en français. Ouais. Toutes les chansons, toutes les paroles sont en français. Quasiment. Il y a quand même quelques exceptions. Alors. Il y a des chansons en anglais. Il y en a deux en anglais, je crois. Et il y en a aussi deux en espagnol. En espagnol, très bien. Donc bientôt en portugais, puis en allemand, non? Et pourquoi pas, hein. Allemand, non, mais portugais, pourquoi pas. Alors, Anaïs, elle a des petites origines espagnoles quand même. Donc, d'accord, très bien. Non, personne n'est parfait, hein. C'est comme ça. Non, je plaisante, hein, évidemment. Justement, parce que moi, depuis quelques temps déjà, j'accompagne Christina dans l'émission À Flor de Piel, donc une émission consacrée à la musique espagnole, et c'est le mercredi soir à partir de 19h, de 19h à 21h, donc pour ça, je peux vous dire que quand même, j'aime bien la musique espagnole, et puis c'est super agréable, et c'est bien aussi de la faire découvrir aussi aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, donc une nouvelle émission, je crois qu'on en est déjà là... Je me souviens plus, 40 et quelques émissions déjà, hein, quand même, ça avance très vite. Bon, on est loin des 500 et quelques émissions de Mavrika. Donc aujourd'hui, c'est 541e. Donc j'espère que ce numéro-là vous portera chance. Merci. Qui vous a été et attribué. Donc, Anaïs from Paris, donc on a déjà expliqué un petit peu le nom. On sait que vous interprétez vos morceaux principalement en français, mais pas que. Il y a aussi des morceaux en anglais et en espagnol. Donc, voilà. Alors, vous avez prévu des morceaux en espagnol ce soir, hein? Oui. Très bien. Un morceau en espagnol. Parce que là, vous avez apporté aussi des enregistrements que vous avez faits. Et aussi, vous avez apporté vos instruments. Donc, il y aura une session live dans l'émission Mavrika. Et en plus, je crois que vous en avez prévu 6 ou 7 morceaux. Je crois que c'est ça. Hein. Avant les rappels, hein, c'est ça? Oui, c'est possible. On peut tenir toute la nuit ici. Oui, on peut en faire plus. Hein. Très bien. Bon, après, c'est par rapport au temps. Alors, il n'y a pas très longtemps, tout à l'heure, je parlais du groupe Swim Camille. Ils étaient venus ici. Ils en ont fait 14 des morceaux. Et c'est vrai que bon, c'est un plaisir quand les artistes commencent à jouer. Pour moi, c'est un bonheur de les faire jouer dans l'émission Mavrika. Et quand le son est bon, et ben, c'est encore plus agréable de partager. Et en plus, l'émission est enregistrée, comme à chaque fois, grâce à notre ami Florent. Florent qui enregistre cette émission et qui après propose des podcasts que vous pouvez réécouter ou télécharger pour conserver les enregistrements si ça vous a plu. Et justement, l'avantage, c'est qu'il y a des morceaux que vous n'écouterez jamais sur les autres radios, puisque c'est des morceaux qui ont été enregistrés dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, comme ce soir, ça sera le cas. Voilà, donc on voulait aussi faire un petit coucou à notre ami Alex, hein, qui nous écoute. Tout à l'heure, j'avais dit, il nous écoute sûrement. Bah, il nous a confirmé, hein, donc Alex est à l'écoute. Et puis je sais qu'aujourd'hui que c'est un jour un petit peu pas terrible pour lui, et donc on est tout cœur avec lui, et puis on va lui dédier cette émission aussi, ça, ouais. Je pense que ça lui fera plaisir. La semaine dernière aussi, ça m'a fait beaucoup plaisir, c'est que on a reçu Les Oreilles qui saignent, donc un groupe où il y avait 2 accordéons qui font du comment ils s'appellent, du rock musette, voilà, donc un peu le mélange des deux. Et on avait fait un hommage aussi à notre ami Michel qui nous a quitté il y a quelque temps, qui faisait une émission de d'accordéon. Et ce que je ne savais pas, c'est que Les Oreilles qui saignent étaient déjà passées aussi dans l'émission à Michel. Donc voilà, c'est bien aussi de parler de tous les gens qui nous entourent, et même quand ils sont pas présents, ben on a toujours une pensée pour ces personnes là voilà, donc on va découvrir tout votre univers. Alors le groupe, comment il existe, depuis combien de temps? 2021. C'était 2021. Juin 2021, je crois. Ah, donc en plein, ouais. Covid. Juste après. Juste après. Ouais, juste après le confinement. Mmh. Et c'était juin 2021. Ouais, c'est ça. En fait, bon, on est tous musiciens, et puis effectivement, le Covid, eh ben, je crois que pour beaucoup de groupes, ça a arrêté un peu toutes les activités. Et donc après, quand les choses ont commencé un peu à reprendre, eh ben, Anaïs a mis une annonce sur un site de musique. Zikinf, je pense que les musiciens qui nous écoutent connaissent le site Zikinf, hein. Et puis j'ai répondu, et puis voilà, et puis bah c'est parti comme ça. Je connaissais un batteur, et puis voilà, après on a trouvé un bassiste, et puis voilà, on a, de fil en aiguille, on a composé les morceaux, ça marche bien entre nous, et puis bah maintenant on a à peu près une vingtaine de compositions, quelques-unes enregistrées en studio, et on a en fait beaucoup de compositions qu'on devrait encore enregistrer en studio, mais bon, ça prend du temps et un peu d'argent aussi. Et donc voilà, on essaie de se produire, de faire des concerts en groupe, mais on fait aussi pas mal de concerts juste en version acoustique avec Anaïs. Comme ça sera le cas ce soir. Donc. Voilà. c'est plus facile en fait de trouver des possibilités de jouer quand on est juste une petite formation, parce que dès qu'on met une batterie, bah ouais, c'est plus compliqué en termes de volume sonore, d'espace. Donc il y a beaucoup de groupes. On parlait tout à l'heure du groupe Barricade. Ils font, c'est pareil. Il y a le groupe au complet, et puis ils ont aussi la formation où ils sont deux, et qui ça leur permet de jouer dans des bars, par exemple, des endroits un peu plus réduits. Hein. Et puis justement. Alors, vous préférez les grandes scènes ou vous préférez justement les endroits plus intimes, peut-être? Je ça sais dépend, pas. Ça dépend. Parce ça que dépend. Là, c'est, on a fait un petit concert dans une médiathèque à Paris. Alors, c'était samedi dernier. Et c'était très impressionnant. Hein, parce qu'on avait, on était vraiment très, très proche du public. Ouais. Et là, il y a un contact qui est très important, et c'est très impressionnant. Là. Donc, c'est... Après, ça dépend des opportunités. Mais C'est vrai que les grandes salles, c'est bien, parce que les gens qui sont là, mais on ne les voit pas forcément. Non, on voilà. voit le public, mais on ne voit pas. Et là, quand vous êtes dans des endroits un peu plus restreints, et ben justement, vous avez les gens, vous les voyez dans les yeux, vous voyez ouais. le plaisir qu'ils ont. Fait, ouais. C'est ouais, beaucoup ça. Plus communicatif. C'est difficile. Ouais, c'est difficile aussi. Hein. Et en plus, comme vous interprétez la plupart des morceaux en français, des fois, c'est pas évident non plus de chanter en français devant non, le public français. Non, parce que le public était assez âgé en plus. Donc, ouais, ils avaient tous plus de 25 ans, c'est ça. Hein. Oui, oui, oui. Ça, voilà, ouais. Tout à fait. Et il y a certains, ouais, certaines paroles hein, qui, bon, je sais pas s'ils ont apprécié, mais en tout cas, ils ont redemandé des morceaux à la fin. Donc, c'est que. Ou alors, ils n'ont pas compris les paroles. Ou peut-être. Ouais. Je plaisante. Mais ouais, c'était intéressant comme expérience. Hein, moi, j'avais jamais chanté dans une médiathèque. Et ils avaient bien organisé une petite scène avec quelques places pour le public et ça ressemblait un petit peu à un showcase en fait. Donc c'était pas mal comme expérience. Ah, les gens venaient vraiment pour écouter la musique. Ouais. Vraiment, ils étaient là rien que pour ça. C'est vrai que dans les bars, parfois, on joue dans les bars, mais les gens, bon, bah, ils sont là pour faire la fête, pour boire un coup, donc oui. Pas forcément complètement concentrés sur la musique. Et là, vraiment, les gens étaient vraiment en train d'écouter voilà, la musique, les paroles. Donc c'est vrai que c'est un exercice intéressant. C'est vrai que dans les bars, nous on a déjà eu plusieurs retours comme ça d'artistes qui nous ont dit on a été dans les bars, c'est à peine si les gens ne disaient pas vous pouvez pas jouer un peu moins fort parce que vous nous embêtez un petit peu quoi. Là. Donc eux, ils sont en train de jouer, mais bon finalement ils aperçoivent que le public les écoute pas forcément. Et il y a toujours une histoire que j'aime bien raconter aussi, c'est une fois on avait été voir un groupe pendant la Coupe du Monde de football et donc ils jouaient et puis derrière il y avait l'écran avec le match hein, forcément. Et à un moment ils ont vu tout le monde se lever et tout ça, ils croyaient que c'était pour eux pour les acclamer. Et puis non, c'était un but qui venait d'être marqué. Donc voilà, je sais que le groupe qui nous écoute, le groupe que j'ai déjà reçu ici, nous écoute peut-être et puis il va se reconnaître. Mais voilà, c'est des aventures comme ça, des aventures qui arrivent dans la vie. Mais bon, après, il faut garder les bons moments et oublier les mauvais. Hein. Ça, c'est comme toujours. Voilà, donc c'est vrai que c'est plus agréable quand les gens viennent vraiment pour écouter votre concert et puis partager un bon moment plutôt que dans des endroits où vous êtes là finalement pour meubler, quoi. Très bien. Vous avez fait aussi des grandes scènes déjà, ça vous est déjà arrivé ? Oh, pas réellement, non, on n'a pas fait vraiment encore des grandes scènes. Non, Anaïs, tu me regardes, là, elle me regarde. Je te laisse parler. non, c'est vrai, on n'a pas fait. Ouais, vous avez fait la scène à Volpénil. Ouais, mais alors ça, c'était une belle surprise. Hein, parce que c'était. Donc, Volpénil, c'est une ville proche de Melun, dans le 77. Et on devait. Donc, on avait postulé pour faire la fête de la musique. Et donc, en fait, c'est une grosse scène ouverte. Et normalement, on devait jouer en extérieur, une scène pas forcément hyper grande. Et il a plu. Et en fait, on a joué dans une grande salle. Donc là, oui, c'était une belle surprise, en fait. Donc la salle, elle était, elle était belle quand même. Mais voilà, après, ça reste. Très bien. Enfin, le groupe est tout jeune, donc vous avez encore le temps de qu'on vous découvre et qu'on vous fasse jouer dans des grandes salles, des festivals. Vous êtes prêt à attaquer déjà ? Ah oui, on est prêt. 20 morceaux, hein. ça fait combien de temps de concert ? On peut jouer facile 1h30, 2h, avec plusieurs. Ah ouais, donc c'est carrément déjà un concert déjà tout établi. Quoi. Ah oui, oui. Très bien. Bah, en tout cas. On a retenu plein de choses, donc on va parler tout à l'heure des enregistrements, mais là je propose qu'on écoute déjà un premier morceau, puisqu'on parle de Anaïs from Paris. On diffuse déjà deux morceaux depuis quelques temps, et là on va en découvrir d'autres, donc on va écouter ce premier morceau qui s'appelle Tombola. Tombola. Très bien, et puis après on en parle. Fait comme ça ? C'est d'accord. Parfait. Merci. Toi, je te jure, c'est ça l'égalité chez lui. revient dans le studio de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités Anaïs from Paris, dont on vient d'écouter un morceau. C'est le premier morceau qu'on diffuse dans cette émission. Et en plus, c'est la première fois qu'on diffuse ce morceau-là. Donc voilà, c'est une émission de première. Donc Tombola, c'est un morceau qui parle de quoi? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce morceau-là? Alors déjà, à la base, c'est un morceau qui est un petit peu féministe. Mais pour l'histoire, c'est un homme qui l'a écrit. D'accord. Et donc je vais lui laisser la parole. Tout à fait, bah, sur ces paroles-là de Tombola, en fait, j'écris certaines chansons pour le groupe Anaïs from Paris. Mm-hmm. Il doit y en avoir 4 ou 5. Et notamment sur Tombola, en fait, j'imaginais l'amour est une tombola. Donc pour chaque personne, ça peut durer une heure, ça peut durer un jour, ça peut durer une semaine, un mois, une année, ou pour les plus chanceux, toute une vie. Et donc, j'imaginais une fille qui malheureusement pour elle, à chaque fois, elle espérait la bonne tombola. Elle choisissait à chaque fois la qualité principale, enfin une qualité chez un homme, et elle se rendait compte à chaque fois que cette qualité-là, malheureusement, elle tombait à chaque fois sur un coup. Mmh. On connaît tous des gens autour de nous qui ils ont pas de chance en amour, parce que des fois on se dit ou alors ils les collectionnent, ou alors parce que après c'est aussi, il y a des gens qui se vantent, j'en ai eu plein, des partenaires et tout ça, oui, mais il est, quelque part il a pas su en garder un seul, donc après c'est une manière de réfléchir, et puis chacun sa manière de penser, et donc c'est vrai que ça donne à réfléchir, et c'est vrai que je pense qu'on se reconnaît tous finalement là-dessus, parce qu'on pense à nos expériences, à notre vie, et on essaie de se situer par rapport aux autres. Ouais, voilà. Donc. Oui, complètement. À chaque fois, j'essaie de mettre un thème dans la chanson. Il y a le bonobo pour l'expert sexuel. Il y avait Platon, l'intelligent. À chaque fois, il y avait vraiment une qualité, puis en fait, malheureusement, le résultat est à chaque fois le même pour cette jeune fille, quoi. Ah, voilà, il y en a qui n'ont pas de chance en amour, comme on dit. Hein. Bon, malheureux au jeu, heureux en amour, c'est ce qu'on dit. Ouais. Donc peut-être l'inverse marche aussi, hein, c'est-à-dire que si on est malheureux en amour, peut-être qu'on a de la chance au jeu, il faut peut-être y aller. Ben bon, moi, j'y compte même pas, parce que alors là, la chance, c'est jamais pour moi. Si jamais vous lancez un dé, s'il y en a un qui le lance 100 fois et que ça tombe jamais sur le 6, c'est bien moi. Hein. Donc voilà, très bien. Donc voilà une première chanson, on a encore plusieurs à découvrir. Alors, ce morceau-là, il était enregistré dans quelles conditions? Comment vous avez enregistré vos morceaux? Alors là, en fait, ce morceau, c'est un peu un coup de chance. C'est Anaïs qui a trouvé une annonce, en fait, d'étudiant dans une école à Paris, une école d'ingénieurs du son. Et donc, ces deux étudiants avait la possibilité d'enregistrer dans les studios de l'école et avait besoin de cobayes pour s'entraîner, parce que c'est leur formation. et donc Anaïs les a contactés, et puis ça a bien marché entre nous, donc on est allé les voir et on a pu enregistrer donc Tombola et un autre morceau, là, une parole impeccable qu'on écoutera tout à l'heure. Voilà. Oui. Et donc on est tombé vraiment sur deux gars vraiment super. Donc je sais pas s'ils nous écoutent, c'est Étienne et Lucas, donc qui sont vraiment des gens qui ont fait un super boulot, vraiment. Oui, parce que l'avantage, c'est que justement vous avez quelque chose qui est super clair, parce que finalement c'est leur chef-d'œuvre un peu. C'est un peu comme les menuisiers qui font un meuble pour montrer. Là, c'est pareil. Ils ont étudié sur ce morceau-là. Ils ont essayé de sortir le maximum de ce morceau. Donc l'enregistrement, il est impeccable. Oui, ouais, et vraiment, là, on est tombé sur vraiment deux gars passionnés. Et alors, Étienne, pour la petite histoire, c'est pas un jeune. C'est un jeune étudiant, mais en fait, c'est quelqu'un qui doit bien avoir 50 ans, mais 53 ans. Ah, tu connais toute sa vie, d'accord. Oui. Et donc c'est quelqu'un qui a une carrière professionnelle dans d'autres domaines, hein, qui à un moment s'est décidé en fait d'arrêter son métier où il gagnait, je pense, bien sa vie, pour se dire j'ai envie de faire ma passion, et ma passion c'est le son. Et donc il s'est inscrit dans cette école, hein, qui n'est pas une école gratuite, hein, il faut payer, et vraiment il a suivi sa passion. Et puis vraiment, on est tombé sur quelqu'un d'extrêmement compétent, qui a des superbes oreilles. Ça, c'est plus important. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et là, Et là, il fait un stage dans un grand studio parisien. Et donc, vraiment, j'espère que c'est quelqu'un qui va vraiment pouvoir faire plein de belles choses derrière, parce que vraiment, il le mérite. Hein. Et, très bien, en tout cas, le son, là, il est impeccable. Donc, franchement, là, vous avez un très bon enregistrement. Et c'est vrai que, comme tu dis, alors c'est souvent moi qui le dis, ça. C'est pour ça qu'on a l'impression de s'être concerté avant l'émission. Mais c'est vrai que le plus important d'un ingénieur du son, c'est les oreilles. Et moi, je vois des fois des gars, ils ont du matériel pas possible. Ils ont des trucs. Mais après, il faut les paramètres. Il y a tout un côté technique aussi. Mais finalement, ce qui ne trompe pas, c'est les oreilles. Quand on écoute et que le son est bon, il est bon. Après, la limite des paramètres, on s'en fout un petit peu. Et il y en a certains, non, on a des très bons paramètres, on a une très bonne console, on a un très bon machin, mais le résultat, il n'est pas là. On se dit, tiens, donc le plus important, c'est quand même les oreilles. Après, justement, c'est quand on connaît la technique, quand on connaît bien le matériel, c'est d'avoir le maximum qui satisfasse toutes les oreilles de tous les auditeurs, quoi. En tout cas, là, bravo, en tout cas, il a bien travaillé. Oui, merci. Bah, écoute, on lui dira, on lui passera le message, voilà. Et non, puis vraiment, quand je dis des très bonnes oreilles, quand on a enregistré, parfois ils me disent « Ah, là, j'ai entendu un truc, voilà, une petite note un peu fausse, aussi. Un petit truc qui n'allait pas. Voilà, » Il a bien fait le mix aussi. Vraiment, vraiment un passionné et des très belles oreilles. Voilà. Oui, parce que c'est compliqué, ça. C'est vrai que c'est... et puis, il faut imaginer les gens qui travaillent. Parce que moi des fois, que je travaille beaucoup avec de la musique et tout ça, au bout d'une heure, deux heures, ça y est, on n'arrive plus à discerner les choses. Donc c'est les gens, il faut qu'ils puissent travailler pendant des heures et en ayant toujours un très bon discernement et puis toujours réussir à, parce qu'au bout d'un moment, on n'entend pas comme d'habitude, voilà, on perd un petit peu. Et donc quand on fait des mixages, on passe des heures et des heures et des heures. Donc il faut mettre les instruments bien à leur place, avec le bon niveau, avec la bonne qualité, etc. Donc c'est un travail de fou et puis on passe énormément de temps à faire ça. Donc c'est pour ça, il faut quand même saluer le travail de tous ces techniciens, parce que aujourd'hui, les musiciens ont besoin des techniciens, les techniciens, ils ont besoin des musiciens. Donc, il y en a même qui arrivent à faire concilier un peu les deux. Et moi, j'en ai eu pas mal qui sont venus ici en tant que groupe et qui aujourd'hui, ils vont se reconnaître, hein, s'ils nous écoutent. Aujourd'hui, leur métier, c'est le son. Donc, ils font le son pour les autres. Et, ou alors, ils enregistrent aussi. Ils ont monté des studios. Et donc, voilà, comme quoi, des fois, on a l'oreille musicale, on fait la musique soi-même, mais des fois, on aime aussi, justement, mettre en valeur les autres artistes. Et donc, c'est tout à leur honneur. Voilà. C'est bien de le dire. Très bien. Donc, ces morceaux-là, par exemple, sont enregistrés dans ces conditions-là. Et les autres, comment ça se passe? Vous avez été à des studios ou... On a enregistré trois autres morceaux dans un studio. Donc, voilà, un petit studio en Seine-et-Marne. C'était un peu notre première tentative en studio. Donc, on avait enregistré juste trois morceaux. Je trouve que le son est moins bon, en fait. Il y a des questions de matériel, hein, c'est sûr que là, quand on allait voir, donc quand on a enregistré là dans les Cogs, ils avaient vraiment un super matos avec vraiment des super salles. Donc c'est sûr que du super matos, super salles pour enregistrer et deux ingénieurs du son super passionnés, c'est sûr. Ah bah oui, ça marche bien. C'est une chaîne. Hein, il suffit qu'il y ait un maillon qui soit pas bon et puis voilà. Par contre, notre première expérience en studio, c'était un studio avec des moyens plus limités, donc effectivement, un matériel plus limité, aussi une salle pour enregistrer qui avait quand même pas une acoustique, je dirais parfaite. Enfin là, donc un résultat qu'on trouve un peu moins vivant. Mais bon, c'était une première expérience, ça me permettait déjà aussi d'avoir quand même un peu du son enregistré proprement pour pouvoir commencer à diffuser sur Internet, faire écouter aux gens, quoi. Parce que sinon, en fait, la méthode de travail, en fait, je fais des maquettes, sur mon petit ordinateur à la maison, hein, donc avec ma guitare, ma basse, j'ai un logiciel pour faire de la batterie. Mais bon, tout ça, vraiment, avec une qualité de son, c'est une maquette, hein, c'est pas du tout... Ça donne un aperçu, quoi. Et j'envoie ça à Anaïs. Et Anaïs, j'ai travaillé dans ma vie avec pas mal de chanteurs, mais Anaïs, elle m'étonne toujours. En 24 heures, elle me trouve une ligne de chant, des paroles, enfin, elle enregistre le truc. Enfin, j'ai jamais connu quelqu'un qui ait travaillé aussi vite. C'est, d'accord, bah ça, c'est, voilà, donc c'est vrai que c'est une qualité, parce que des fois, il y en a certains, ils attendent justement de, d'avoir que ça vienne, et des fois, ça vient pas quand on veut, parce que finalement, c'est pas évident. Hein, ça, c'est un peu le peintre devant la page blanche. Hein, des fois, bon, ça vient tout de suite, il a une idée, d'autres fois, ben, on reste longtemps, et puis on n'arrive pas à décoller, quoi. Donc, Anaïs, ben, elle arrive à le faire assez rapidement, ça c'est une belle chose, quoi. Ouais, je suis passionnée, donc ça. T'es tout de suite inspirée. Ouais, c'est vrai que je suis. Alors, c'est peut-être parce que ces musiques m'inspirent. Il y a ça aussi. C'est parce que ça matche bien. Ah oui, tout à fait. Voilà, ouais. Si ça matchait pas, j'aurais peut-être pas d'inspiration. Mais non, je suis assez rapide parce que voilà, j'aime bien ce qu'ils m'envoient. Et ça, on s'en est rendu compte, je dirais, quand on a commencé le groupe, hein, quand au début on. Bah, c'était donc en juin 2021, voilà. Et bon, bah, on s'est envoyé des maquettes comme ça. Enfin, j'ai envoyé des petites maquettes et je lui ai dit, bah, tiens, essaye de mettre une voix. Et puis, en fait, tout de suite, ça a marché, en fait. Tout de suite, on a commencé à sortir des morceaux. Et là, on en a une vingtaine. On a une vingtaine de morceaux, donc, qui sont donc sous forme de maquettes, hein, donc, avec des instruments, la voix, mais. Tout ça enregistré à la maison en home studio, donc forcément une qualité bon, qui est pas exceptionnelle. Et c'est, voilà, il faudrait qu'on prenne le temps d'aller en studio, quoi. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la technique qu'on a à notre portée aujourd'hui, on est de plus en plus exigeant. Mais si on regarde bien dans l'histoire du rock'n'roll, il y a des morceaux qui ont été enregistrés dans les années 70 ou même encore plus loin, où il y avait un seul micro. On s'en contentait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on veut toujours plus, on veut toujours plus, mais il y a des standards de la musique qui sont enregistrés dans des conditions pas top, hein, aujourd'hui, quand on y repense. Hein. Tout à fait. Ben, mais voilà, après, c'est... À Abbey Road, des Beatles, ouais. Ça a été enregistré sur un 4-piste. Hein. Voilà. Et à l'époque, déjà, quand on avait une console et on pouvait mettre déjà une tranche de console pour un instrument, c'était déjà le Pérou. Et souvent, c'était enregistré en direct. Ça veut dire que les gens jouaient et puis derrière, c'était pas retouché. C'était pas piste par piste. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait piste par piste. On peut les enregistrer, c'est complètement indépendamment. C'est-à-dire que ça commençait déjà dans les années 80 où on enregistrait par exemple la basse en Jamaïque, le batteur à Londres et puis on remixait tout ça. Et c'est devenu possible grâce à la technologie. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même la chance de pouvoir avoir un petit studio à la maison. Ça serait un rêve pour les gens, on imagine dans les années 60-70, avoir ce qu'on a à la maison. Mais du coup, on est de plus en plus exigeant et on veut un son pro, quoi. Donc toujours mieux, quoi. Et puis je dirais que malheureusement aussi la musique actuelle pousse un peu là-dedans. C'est vrai que bon, par exemple, il y a beaucoup de musique. Maintenant, on a par exemple de l'autotune sur les voix. Donc, oui. Pour ceux qui connaissent pas l'autotune, c'est un logiciel qui va corriger la voix. Donc si la personne chante faux, tout d'un coup, miraculeusement, elle se met à chanter juste. Ouais. À l'origine, c'était pour ramener quelques notes qui des fois étaient un petit peu. Et aujourd'hui, c'est carrément un instrument. C'est-à-dire qu'on a poussé à l'extrême et on va jusqu'à modifier le chant. On le voit beaucoup dans certains types de musique, hein, hip-hop ou des choses comme ça, où carrément le son au R&B où c'est carrément modifié, et on voit bien que c'est l'autotune qui reprend, hein. Mais bon, après, dans d'autres styles, on n'aime pas. Bon, après, ça dépend des styles, hein. Ça donne une voix un peu de robot, voilà. Oui, c'est ça. Et puis après, j'irai aussi dans la manière d'enregistrer. C'est vrai qu'on a maintenant des mixages avec beaucoup de compression, un mastering qui fait qu'effectivement, le volume est très fort, voilà, avec des infrabasses, des trucs très... Bon, nous, on essaie de garder un côté un peu plus, voilà, 70s, j'ai envie de dire, un peu plus, voilà, avec un esprit un peu plus rock et, voilà, un peu plus naturel. Donc, en fait, on n'a aucun trafic sur, effectivement, sur les voix, sur les guitares. C'est vraiment, c'est enregistré. Bon, c'est fait avec les méthodes de studio, mais voilà, ça reste un peu un enregistrement à l'ancienne, quoi. Oui, mais et on tient à ça, en fait. Oui, moi c'est pareil. Je crois que même pendant un petit moment, on s'est un petit peu égaré, on a été un peu trop loin dans les effets, tout ça, et on revient un petit peu en arrière. Et aujourd'hui, on reprend même des instruments vintage, comme on dit, voilà, des guitares avec l'ampli à lampe qui sonne comme ça, etc., qui n'étaient pas parfaits, hein, loin de là, mais qui avaient justement leur couleur. Et aujourd'hui, on recherche un petit peu l'authenticité, la couleur des instruments d'avant. Et aujourd'hui, on a des émulateurs qui nous permettent, avec une guitare, de dire, tiens, comme si j'avais telle guitare qui jouait sur tel ampli et avec tel effet, etc. Alors qu'en vérité, on ne l'a pas du tout. Mais bon, aujourd'hui, on peut faire tellement de choses. Mais bon, mais les gens, ils aiment mieux revenir à l'authentique et souvent, ils achètent la vraie guitare. Qui des fois est très ancienne, le vrai ampli de telle époque qui sonnait bien pour tel style de musique et tout ça. Donc voilà, ça c'est une recherche. Mais je crois qu'on est un petit peu revenu en arrière sur certains styles de musique. En tout cas, le rock'n'roll dans l'ensemble, le rock dans l'ensemble, on est resté un petit peu quand même dans les années 70, 80, quoi. On n'a pas continué, à part certains qui ont mis le synthétiseur ou des choses comme ça en plus. Hein, voilà, il y a plusieurs époques, ça correspond à des époques. Mais bon, j'aime bien la musique, comme on disait, il y a des standards qui ont été enregistrés dans les années 60 qui sont aujourd'hui, qui sonnent toujours aussi bien. Et voilà, c'est le son qu'on aime, quoi. Voilà, bah très bien, on parle de technique, on parle de plein de choses dans l'émission Mavrika. On écoute le deuxième morceau, alors. Donc ouais. Le deuxième morceau qui s'appelle... Parole impeccable, voilà, que j'essaie de lire sur mon lecteur. Et après, on pourra parler de ce morceau-là aussi. Hein. C'est parti. Thank you. studio de Radio Arc-en-Ciel avec un groupe invité, un groupe qui vient de la région parisienne, qui s'appelle Anaïs from Paris. Voilà, pour tous ceux qui nous rejoignent, on a écouté déjà deux morceaux enregistrés en studio. Il va y avoir un petit peu de live tout à l'heure, même un petit peu beaucoup, puisqu'ils ont prévu au moins 6 ou 7 morceaux. Et on peut même, avec les rappels, peut-être les faire jouer un petit peu plus longtemps. Voilà. Tiens, il y a un petit commentaire de notre ami Alex, je sais qu'il nous écoute. Il devait passer, vous faire une petite surprise. Voilà, maintenant je peux le révéler. Il m'avait dit faire les 20h, je passerai. Mais malheureusement, ce soir, il ne pourra pas venir. Par contre, il nous fait quand même des petites confidences. Il nous dit j'aimerais proposer une collaboration avec Anaïs et faire un single avec moi. Donc voilà. D'accord. D'accord, ça c'est. Voilà. Oui. Oui, tout de suite. Donc voilà, tu peux lui lancer Alex, l'idée, oui. Même si je ne suis pas là. Voilà. Je prends studio ingé son Dej. Tout à l'heure, on parlait justement d'artistes qui étaient venus ici en tant que musiciens. C'est Dej, notre ami Julien Desjardins, qui enregistre d'ailleurs Alex Le Bail. Il était venu ici au début avec un groupe qui s'appelle Last Avenue. Et aujourd'hui, il est professionnel. Hein, et en plus, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que moi, je vois des gens, ils disent ouais, moi, je suis ingénieur du son, attention, je maîtrise tout. Et lui, à chaque fois, non, il est humble. Il fait un son super génial. Hein, il le fait pour des grands artistes hein, de la région et même des artistes internationaux qui passent dans la région. Et lui me dit à chaque fois, j'apprends des choses. Et c'est bien parce qu'il y a plein de choses que j'apprends. Et chaque fois, je deviens plus performant, quoi. Et donc, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, Dej, si tu nous écoutes, on te fait un petit coucou. Et donc, le studio de Dej, je pense que vous serez bien dans ce studio-là. Et sortir un single acoustique, guitare-voix avec elle et son guitariste. Voilà. Donc, l'invitation est lancée. Donc, il n'y a plus qu'à. Hein. Ok. Voilà. Là, on vient d'écouter un morceau. Alors, ce morceau-là, il parlait de quoi cette fois-ci ? Alors, ce morceau-là, c'est moi qui l'ai écrit. Oui. Donc, en fait, pour la petite histoire, c'est le premier morceau qu'on a fait François et moi. Mmh. Donc le texte, je venais de me séparer de mon ancien groupe. D'accord. Donc en fait, on s'est séparés parce que j'ai eu des différends avec le guitariste. C'était quelqu'un, sans partir dans les critiques, qui était très très négatif et un petit peu trop cassant. Et voilà. Donc en fait, au lieu de se remettre en question lui. Il était cassant envers les autres. D'accord. Donc, oui, bon, des fois, ça passe pas entre les gens. Voilà. Donc, un groupe, c'est déjà bien s'entendre. Souvent, les groupes font de la musique et c'est souvent des amis aussi. Hein, parce que le côté rapport humain, c'est le plus important. Les gens moi, j'ai connu pas mal de groupes qui faisaient la musique pour la musique et finalement, il n'y avait aucun lien directement. Ces groupes-là, dans l'ensemble, ils durent pas très très longtemps, parce que bon, il faut bien s'entendre, il faut des fois critiquer. On peut critiquer, mais en restant bienveillant. Oui, il faut que ça reste constructif et en disant voilà, on peut essayer de faire mieux, on peut essayer de faire comme ça, etc. Mais il faut aussi savoir se mettre en cause régulièrement. Voilà. Bah, la bienveillance, je pense que c'est important parce qu'on peut donner des conseils. Enfin, la critique constructive, plutôt, il faut la prendre de façon positive. Mais si déjà on dit non, je ne crois pas en toi, je ne te vois pas sur scène, non, moi j'ai dit stop. Et une parole impeccable, c'est dans le sens où, ok, t'inquiète pas, je vais te montrer que je peux y arriver en fait. Mm-hmm. T'as beau me casser, essayer de me détruire, non, je vais y arriver. Voilà. Donc c'est le message de ce titre. Alors moi, dans l'émission Mavrika, on a reçu beaucoup de projets différents et il y en a certains qui étaient des professionnels, des gens vraiment, on leur apprend plus la musique parce que ils font ça depuis des années. Il y a des amateurs avec un grand A, donc des gens qui jouent très bien aussi. Et puis des fois, il y a aussi des gens qui sont souvent, j'allais dire des plus jeunes. C'est pas vrai parce que moi, il y a des gens qui ont pris la musique très tard. Ils se sont dit, tiens, on a une cinquantaine d'années, on va se mettre à la musique maintenant, mais ils connaissaient rien du tout, donc ils apprennent. Et moi, j'ai vu des fois des gens rigoler un petit peu, sourire en disant, ouais. Mais les gens, quand ils ont la passion, moi j'ai vu hein, sur des groupes récents, on a fait une émission, on voit que tout n'est pas parfait, mais il faut jamais se moquer parce que quelques temps après, on les revoit sur scène et les gars, ils ont bossé et des fois, on se dit waouh, le groupe que j'ai reçu, que tout le monde se moque un petit peu, et ben aujourd'hui il faut les regarder parce qu'ils ont vraiment évolué. Donc ça veut rien dire, il faut toujours, même si des fois c'est un chemin pour aboutir à quelque chose, et des fois au milieu du chemin il peut y avoir, on n'est pas encore tout à fait bien, mais il faut savoir qu'on évolue chaque fois, et donc quand on a la passion et qu'on joue depuis longtemps, et puis après à contrario il y a aussi des groupes qui sont professionnels. J'ai reçu des, je sais pas si vous les connaissez vous, c'est les Burning Heads qui ont un groupe d'Orléans qui a fait une carrière internationale, un groupe de punk que j'ai reçu déjà à deux reprises et qui m'ont dit bah nous on a commencé à faire des concerts et après on a appris à jouer. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un des groupes. D'ailleurs, la musique sur laquelle j'ai parlé au début de l'émission, c'est les Burning Heads, justement. Et d'ailleurs, si nous écoutent, on leur fait un petit coucou. Et c'est un groupe que j'apprécie beaucoup et que je ne loupe pas à chaque fois qu'ils font un concert dans la région. Et justement, moi, j'ai trouvé ça super parce que c'est des pros. Hein, c'est vraiment des gens qui tournent au Japon, etc. Et qui, voilà, ils ont pas le melon. Ils disent voilà, nous. On a appris, à force de jouer, on a appris, et puis aujourd'hui, voilà, sans aucune prétention, et ça j'aime bien, justement. Voilà, donc, ça rejoint pas mal de choses, hein, les paroles. Alors, les paroles, c'est, comment ça vous vient, donc, Anaïs, Julien, donc, vous avez des morceaux, c'est d'abord la musique qui vous inspire, ou est-ce que vous avez des paroles et que... la musique est construite après, est-ce que, ou alors ça peut être les deux, hein. Il n'y a pas, pas forcément de... Déjà, il faut que je dise quelque chose. Oui. attends, je te remets ton micro parce que là, du coup, on a changé de micro. Parce qu'on en a mis un sur la guitare, voilà. Et nous, on divulgue tout hein, dans l'émission. Ouais. Non, là, je vais te dire la vérité sur ce morceau qui s'appelle Une parole impeccable. En fait, son premier titre, c'était 12 juin. Alors, pourquoi 12 juin ? C'est qu'en fait, ce morceau, je l'ai enregistré le 12 juin. D'accord. Voilà. Donc, je suis complètement nul pour trouver de l'inspiration, pour trouver des titres aux musiques que je fais, parce que moi, je ne fais que des musiques. Donc, j'ai vraiment zéro inspiration. Donc, d'habitude, quand j'envoie mes maquettes à Anaïs, le titre de la chanson, ça va être un truc style 12 juin. Quoi. Voilà. Donc, elle n'a aucune piste sur ce qu'elle doit faire en termes de paroles. Et je lui fais complètement confiance sur l'inspiration. Ça dépend des fois. Parce que des fois, tu donnes des titres. Alors, oui, parfois, je donne des titres. Je regarde mon bureau là où je travaille et je mets le premier mot sur lequel je tombe. Voilà, s'il y a un livre qui est ouvert, le premier mot sur lequel je tombe, c'est ce que je mets. D'accord. Donc j'ai un manque total d'inspiration pour trouver des titres. Et donc après, je donne le bébé, je donne la maquette à Anaïs, et puis c'est elle qui a l'inspiration après. Très bien. Donc. Donc moi, j'ai une façon différente de travailler. Soit j'ai de l'inspiration au niveau du thème, donc je vais écrire moi. Soit j'ai pas d'inspiration, donc je demande à Julien si lui, il en a. Et donc... Moi, j'ai une facilité au niveau de l'inspiration. Je loue un Airbnb sur la Lune. Donc, je suis d'accord. souvent ah bon, là-haut. Ah bon, on peut le... Parce que ça m'intéresse. Hein, c'est... ouais. Et ensuite, il y a différentes choses qui vont faire une connexion entre l'imaginaire. Ça peut être tout de suite une compo ou tout de suite, il y a un déclic et... Et un thème qui va découler derrière. Ça peut être un instant T en observant une personne, en observant un événement où ça va déclencher encore quelque chose. Ça peut être l'écoute d'une musique. Généralement, la techno, les basses produisent chez moi vraiment aussi de l'imagination. Enfin, c'est assez inexplicable, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui sort, une idée. J'essaye de la rendre la plus originale possible. J'aime beaucoup l'originalité. On avait fait dernièrement une télé sur IDF1 chez Jackie, l'émission de Jackie. Oui. Et par chance, on s'est retrouvé avec Richard Gottener. Ah d'accord, très bien. Donc s'il écoute, je lui passe un petit coucou. Je me demande s'il se souvient encore de nous. Pour nous, c'était vraiment un vrai plaisir parce que quand j'étais enfant, dans les années 80... La surprise, regardez, la porte va s'ouvrir, voilà. C'est Richard qui est là. J'adorais vraiment ces chansons. Si j'avais pu, ouais, franchement, parce que c'est quelqu'un que... Bon, les gens qui ont un certain âge, hein, parce que c'est vrai que les jeunes ne connaissent peut-être pas Richard Gottener, mais bon, c'est quand même un grand artiste qui nous a bien fait à la fois rire et danser, parce qu'il a aussi beaucoup d'humour. Voilà, tout à fait, et on retrouve vraiment son humour dans ses paroles. Donc il y a différents auteurs comme ça où je m'inspire de cet humour, de ces mots un peu décalés. J'ai toujours adoré écrire des poésies ados. que j'ai mis un peu de côté avec le temps pour différentes choses, parce que c'est un peu démodé, les gens s'en foutent, les filles n'aimaient pas ça à l'époque. Mmh. Et donc c'était vraiment assez de côté. Et puis quand j'ai rencontré Anaïs, maintenant ça fait 20 ans qu'on se connaît, je savais qu'elle aimait la musique, elle était passionnée. C'était tout un cheminement pour arriver à aujourd'hui. Mais je savais qu'elle avait ce talent-là. Et quand elle s'est lancée vraiment dans ce projet-là, avec ce groupe, avec François et les autres musiciens, elle m'a laissé cette opportunité de ressortir mes textes et mon imaginaire. Donc pour ça, je lui en suis énormément reconnaissante, parce que c'est l'une des seules artistes qui m'a laissé cette opportunité-là. J'ai écrit d'autres textes voilà, qui ne passent pas avec d'autres artistes, parce qu'il faut aussi s'accaparer les paroles. Tout à fait, oui. Donc voilà, je lui dis un grand merci pour ça. Et en plus, elle a une énorme qualité, c'est qu'elle trouve très vite une ligne de chant. Donc elle peut prendre des paroles, et des fois avec des paroles qui sont un peu, qui partent un peu dans tous les sens, mais tout de suite elle prend la compo de François, elle prend les paroles et elle arrive à trouver la ligne de chant. Ah, parce que c'est pas toujours évident. C'est pas évident. J'imagine que elle l'a toujours eu, quoi. Toujours depuis que je la connais, elle a toujours eu ce talent. C'est le talent, voilà. Je vais pleurer là. Que deux compliments ce soir pour moi. Très bien. Donc, on a parlé plusieurs thèmes déjà. Quels sont les termes, les autres thèmes qui sont abordés dans vos chansons? Un petit peu de tout. Là, c'était la tombola. Il y a Excès Nocturne où j'ai écrit le texte un soir de déprime. On a les White Sneakers. Donc, les White Sneakers, c'est Julien qui a écrit. Il peut en parler aussi, les White Sneakers. Donc oui, les White Sneakers, c'était d'où est venue l'idée d'un ami, alors de deux choses, d'un ami qui galère un peu. On ne citera pas le nom. Et qui portait des tennis, à la base c'était des tennis jaunes, yellow sneakers, j'avais écrit. Et puis, voilà, il se promenait dans la rue, il était dans son imaginaire, il marchait sur les nuages, un peu déprimé. Et puis je sais pas, ça collait pas Yellow Sneakers. Et puis en même temps, je regardais la série Squid Game, et la plupart des participants dans Squid Game portaient des White Sneakers. D'accord. Et donc on a changé le titre, on a mis White Sneakers. Et voilà, l'idée elle part d'un ami qui galère, et puis des chaussures blanches qu'on a vues, des tennis blanches qu'on a vues à la télévision dans cette série. Très bien, donc voilà, comme quoi finalement c'est ce qui est autour de vous, vous inspirez de ce que vous voyez à la télévision, de ce qu'il y a autour de vous aussi, les amis, les relations que vous pouvez avoir avec d'autres personnes. Donc oui. Voilà, c'est... Et donc ça c'est les morceaux en français, et les morceaux en anglais et espagnol, comment ça se passe? Alors en anglais on a, alors ça c'est une petite anecdote dessus, Christmas Disease. Alors François m'avait envoyé l'instrumental pendant les périodes de Noël. Donc nous on a été au ski pendant les fêtes de Noël, et en fait on était malades. Donc avec les enfants on était malades, mais vraiment malades. Donc on va au ski, on peut même pas skier. Enfin on toussait, on avait les enfants ils avaient de la fièvre et tout ça. Et donc j'ai tiens je vais écrire là-dessus. Christmas Disease. Les deux morceaux en espagnol, alors il y en a un qui s'appelle Bikini String. Mmh. Donc ça c'est par rapport à notre très cher bassiste Pascal. D'accord. Donc alors je sais même plus pourquoi. Attends, qu'est-ce qu'il avait sorti comme bêtise? Ouais, je sais plus. Non, en fait si ça y est, ça me revient. Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens en fait. On a la musique là, les titres qu'on a enregistrés les amis sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, voilà, sur tous ces sites où on peut écouter de la musique. Mmh. Et pour mettre les chansons, il faut toujours faire des pochettes. Ouais. Et alors comme c'est Anaïs un peu vraiment l'image du groupe, à chaque fois je prends une image d'Anaïs et puis voilà, je mets le titre, enfin voilà, je fais un petit truc, j'essaie de faire un petit truc un peu joli, hein, je suis pas graphiste, hein, mais bon voilà, j'essaie de faire un truc qui présente à peu près bien. Et puis une fois en rigolant, on s'était dit, il faudrait qu'Anaïs nous donne une photo en bikini. pour comme ça, bah, pour faire une pochette comme ça, et les gens sur YouTube iraient tous voir la vidéo. C'est la photo que j'ai là. Que... Donc, et on était parti un petit peu dans un délire, donc de bikini string, et voilà, on est voilà l'historique. Ouais, et Anaïs relève toujours le défi, donc elle a dit OK, on va faire une chanson qui s'appelle Bikini String. Une chanson un peu critique en fait, d'un homme qui est là sur la plage en train de fantasmer sur une fille en bikini, et en fait, voilà, c'est qu'une apparence, c'est pas forcément. C'est un délire que j'ai eu. C'est pas focalisé sur moi en fait. Je me suis mise dans la peau d'un homme qui est là en train de fantasmer sur une belle nana en bikini. Bon, moi ça serait un bel homme en string. Hein. Oui. Voilà. Après. Voilà. Donc c'est plutôt sur le fantasme en fait. D'accord. Ce titre-là. Donc c'est vraiment très aléatoire. La musique m'inspire. Et puis le thème me vient comme ça. C'est très bizarre en fait l'inspiration. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui me disait sur quoi écrire. Mmh. C'est très bizarre. Donc ça peut être sur tout et n'importe quoi en fait. Ouais, il y a pas de méthode. Hein. Il y a pas une méthode qui marche. Et des fois on voit des artistes qui ont trouvé ils ont fait un tube. Ils avaient une méthode. Et ils utilisent la même méthode pour faire un autre tube. Et puis la fois d'après ça marche plus. Hein. Bah oui, ou alors voilà. Ça marche une fois, deux fois et puis après c'est terminé. C'est-à-dire que bon, à chaque fois il faut innover. C'est ça qui est terrible dans la musique, c'est qu'on peut pas rester toujours sur la même chose. Il faut toujours et puis quand on écoute un album, c'est toujours agréable d'écouter des morceaux qui ne se ressemblent pas forcément les uns les autres. Mmh. Parce que si c'est pour écouter toujours la même chose avec le même rythme, au bout d'un moment, c'est vite lassant, quoi. Ouais. Donc, il faut toujours avoir l'inspiration, toujours essayer de trouver quelque chose de différent. Et j'imagine que c'est vraiment pas facile, quoi. Très bien. En tout cas, vous le faites très bien. Et puis, continue comme ça. Ouais, merci. Qu'est-ce qu'on fait? Vous jouez un petit morceau en acoustique? Ouais. Justement, on va jouer Bikini String. Ah ben voilà. Bikini String. Donc, le temps qu'Anaïs mette son bikini, voilà. Voilà. Donc, les photos, elles seront disponibles dans le courant de la semaine. Hein. Voilà, d'ailleurs, j'ai posté les photos dernièrement du groupe que nous avons reçu la semaine dernière. Vous pouvez aller les voir sur le Facebook de l'émission Mavrica. Vous allez sur photos, vous allez sur album, et il y a un album par émission. Donc, c'était l'émission numéro 540, et c'était Les Oreilles qui saignent. Et donc, ce soir, après l'émission, on fera aussi des photos qu'on postera dans le courant de la semaine pour garder les souvenirs. Ça, c'est des super souvenirs, et j'aime bien des fois remonter dans les années, puisque l'émission commence à avoir un petit peu de bouteille, et des fois on revient 10 ans en avant et on voit des musiciens qu'on continue de suivre mais qui étaient un peu plus jeunes. On voit qu'on a tous un petit peu vieilli. Il y a aussi des émissions qu'on se souvient, on avait reçu tel artiste, mais ce jour-là, il y en avait un autre qui était venu, et puis il était là aussi. Et c'est vrai que des choses qu'on retient pas parce qu'on a fait tellement d'émissions. Donc, ça fait partie de l'histoire du rock'n'roll que vous pouvez aller voir, du rock'n'roll et de la musique en général, que vous pouvez aller voir dans l'émission Mavrica sur le Facebook. Voilà. Donc, vous êtes en place pour interpréter le premier morceau? On va essayer, voilà. Très bien. Donc, j'arrête la petite musique de fond qui sert à rien. Et puis, à partir de maintenant, les ondes de Radio Arc-en-Ciel sont à vous, quand vous voulez. En una playa deseo, no quieres mirar hacia abajo. Mira estas curvas que ondulan el viento, pierdes tu cabeza de amor, pero solo un cuerpo. No te mal que seguirás. jusqu'à la dernière note. Voilà, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, Anaïs from Paris avec Bikini String. Voilà. Ouais. Voilà. Je l'ai dit avec l'accent anglais, je sais pas pourquoi. Bikini string, ouais. Bikini string, oui, yeah. Parce que string, à la limite, ça veut dire ficelle en anglais, oui. Au même temps. Mais c'est un mot international. Bah, superbe interprétation en direct live. Et franchement, j'ai adoré. Hein. En espagnol, c'est vrai que c'est une langue qu'on chante pas assez souvent. Et c'est vrai que les Français sont pas tellement habitués à écouter les chansons en espagnol. Mais pour ceux qui, comme moi, qui aime la musique espagnole, bah, j'ai trouvé super agréable et super bien interprété, en tout cas. Bravo. Merci. Très bien. Ça m'a rappelé un petit peu, je sais pas si tu connais des groupes comme Los Romeos, un petit peu la voix. Et puis après, peut-être Mécano aussi. Ouais, j'aime bien Mécano. Tu aimes Mécano. Bah, je pense que ça, c'est un groupe qui a marqué vraiment son époque. Et encore aujourd'hui, c'est une référence. Hein. Beaucoup d'autres groupes ont repris des morceaux de Mécano parce que ça fait partie des standards de la musique espagnole. Et une très belle voix, la chanteuse. Voilà. Ouais. Très bien. Ouais. Ben, on est d'accord. Très bien. Donc, on savait pas qu'on parlerait un jour de Mécano dans l'émission Africa, mais en tout cas, c'est fait maintenant. Un deuxième morceau à la suite, là, puisqu'on est en place. D'accord. On fait J'aime pas. Allez. Pas ta gueule de con, non non non, laisse-moi sale bouffon, avec tes yeux vicieux qui me matent d'un air fallacieux. J'aime pas ta gueule de con. Gueule de con, tu colles, tu pues ton peste. N'approche pas, pas un geste, sinon je te fous un nom. J'aime pas ta gueule de con, laisse-moi dans mon périmètre. Te prends pas pour mon En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Anaïs from Paris avec un... Le titre, c'est quoi déjà? J'aime pas, mais... J'aime pas. C'est le titre... Voilà. C'est le titre, on a enlevé... On remet, attends, je remets. Pardon, le vrai titre, en fait, c'est J'aime pas ta gueule de con. Voilà, c'est d'accord, ça. D'accord, donc voilà. J'aime pas. Voilà, donc, non, mais alors, la petite histoire, c'est, voilà, on t'a expliqué un peu comment fonctionnait, en fait. Bon, moi, je fais des musiques. J'envoie ensuite la musique par Internet à Anaïs. Et donc, Anaïs, en général, me renvoie un mail. Et là, je reçois un mail qui dont le titre, c'est J'aime pas ta gueule de con. Alors je me suis dit quand même, elle abuse la copine, hein, franchement. Et en fait non, c'était juste le titre de la chanson. D'accord. Heureusement. Voilà. Ah, c'était pas. Non, c'était pas pour moi. C'est en fait. Quoi qui t'a inspiré? Alors c'est Julien qui l'a écrit. Ah c'est ouais. Julien, voilà. Ouais, voilà, je remets le. Parce que là, j'étais en configuration live, donc on revient en configuration pour discuter tous ensemble. Donc Julien, dans l'autre, c'était encore moi là. J'étais encore sur mon Airbnb sur la lune et en fait, on était sur la route toujours les vacances au ski. Et Anaïs, elle me dit, ah François m'a envoyé des compos. Je vais te les faire écouter. Et donc on était en train de rouler et j'entends les premières notes. Et en une fraction de seconde, avec les premières notes, ça a été « J'ai pas ta gueule de con ».« J'aime pas ta gueule de con ». Et sans penser à François, mais les notes... Merci Julien, merci. Les notes m'ont tout de suite fait penser à ça. Et en fait, quand j'ai regardé Anaïs, je lui dis « Ça serait aussi une bonne chanson de concert ». Pour être en communion avec le public, c'est simple, c'est facile à chanter. Et je dis « Bon, bah, je vais t'écrire quelque chose là-dessus ». Donc j'ai gardé le titre. Et ensuite, pendant les vacances, je me suis isolé dans un bar en train de boire mon vin chaud. Et, et j'ai commencé à écrire les paroles. D'accord. Voilà. Et ensuite, même procédé, j'ai donné les paroles à Anaïs qui a fait la ligne de chant, qui a harmonisé tout ça. Ouais, j'ai adapté ensuite. Voilà. D'accord, très bien. Donc voilà, comme quoi, des fois, il y a juste une musique, un voilà, j'aime pas ta gueule de con, ça, c'est les premières choses, et à partir de là, il a fallu broder autour. Donc c'est vrai que la construction, finalement, d'une chanson, quand on arrive à une chanson qu'on écoute, on dit, mais finalement, ça tient pas grand-chose pour qu'elle arrive à ce niveau, parce qu'il aurait pu se passer plein de choses, autre chose, quelque chose qui serait venu à l'idée sur la même musique, et puis finalement partir sur un sujet complètement différent, ou voilà. Et puis après, il y a aussi des. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi d'entendre des gens dire voilà, on a fait un morceau, les paroles étaient comme ça, et puis finalement, ça n'a jamais bien marché. Et puis un jour, on a eu l'idée de reprendre les paroles, on les a modifiées légèrement, et finalement, ça sonnait beaucoup mieux. Et puis voilà, comme quoi, ça tient pas grand-chose, hein, franchement. En tout cas, là, ça sonne bien. J'aime pas ta gueule. Alors, j'ai mis « j'aime pas » simplement sur le programme de l'émission. Tu vas retenir « j'aime pas ta gueule ». Oui, mais ça, le reste, je le retiens. Il n'y a pas de souci. On retient toujours les choses qu'il ne faudrait pas. Et les choses qu'on devrait retenir, souvent, on ne les retient pas. Voilà. Très bien. On écoute un petit morceau, le temps que vous ressouffliez un petit peu, parce que vous venez de faire deux interprétations en direct live. On écoute donc les « White Sneakers ». C'est parti ? Oui. C'est parti. Je mets white sneakers et confonds toutes ces images. j'avais un rêve. Jamais je n'ai osé, de peur qu'on me relève après m'être effondré. Salut, c'est David, on est La Jarry. Vous écoutez Albino, notre pote sur Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika. C'est ça. Un petit peu de musique, hein, plusieurs morceaux enchaînés hein, pour se remettre un petit peu, parce qu'il y a eu des lives juste avant, donc nos musiciens avaient besoin de se reposer, on va dire ça comme ça. Et c'est aussi, on avait une autre raison, c'est que là on vient d'écouter Anaïs from Paris, donc le groupe invité de cette émission 541, ce soir donc, avec le morceau White Sneakers. Ensuite on a écouté notre ami Alex Lebaille qui nous écoute, hein, avec un morceau que je trouve super, qui s'appelle La Vie. D'ailleurs son album est super, mais il y a certaines chansons qui me touchent beaucoup plus que d'autres. Et Alex Lebaille. Et juste après, c'était La Jarry avec le titre Évolution. Et justement, c'était pour annoncer quelque chose, c'est que il y aura très bientôt un concert de La Jarry. Et je vous le donne en mille, qui sait qui fera la première partie de ce concert. Bah, il s'agit tout simplement de notre ami Alex Lebaille. Voilà, c'est acté. Maintenant, on en est sûr. On avait déjà entendu parler, on n'était pas certain, maintenant on peut le dire. Donc ça se passera le 1er avril, donc c'est pas une blague. Ça sera à Olivet, donc à l'Alliage. Il y aura donc Alex Lebaille en première partie et il y aura le groupe La Jarry. Voilà nos potes de La Jarry qu'on adore. Le même soir, donc il faut vraiment y aller, et surtout que le 1er avril arrive très très très vite. Donc retenez vos places, et puis donc on se retrouvera tous là-haut le 1er avril pour applaudir ces artistes exceptionnels. Voilà. On revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec d'autres artistes exceptionnels. Il s'agit de Anaïs from Paris. Voilà, on commence à bien se connaître maintenant, on commence à connaître un peu votre musique, vous avez interprété des morceaux en live. Est-ce que vous-même, vous allez aussi à des concerts, voir d'autres artistes? Est-ce que ça fait partie de choses que vous aimez ou préférez vous consacrer juste à vos morceaux? Alors, personnellement, bon, moi, je vais voir des groupes depuis que je suis tout petit. Mmh. Voilà, pour rien vous cacher, j'ai commencé par écouter plutôt de la musique assez, voilà, plutôt du hard rock et des musiques un peu, voilà. Et donc, mon premier concert rock, c'était Motorhead. D'accord. Et j'avais 12 ans. Et pour aller au concert de Motorhead, quand on est aussi jeune, ben, c'est pas évident. Et mon père, mon père m'a accompagné. Bon, lui, pourtant, il écoutait pas du tout cette musique. Et voilà, il m'a accompagné comme ça quand j'étais jeune à plein de concerts. Donc, c'était super. Et surtout que j'avais l'avantage d'avoir un père qui était un grand gaillard, 1m87, très carré et tout. Et puis, donc moi, je faisais tout mon concert sur ses épaules. Donc, je voyais super bien. Personne me poussait. C'était royal. Voilà. Et depuis, j'essaie d'aller à plein de concerts. Avec le Covid, c'est vrai que ça oui, c'est un petit peu coupé, là, franchement. Coupé, ouais. Je me rappelle que j'avais justement le soir du jour où tout le monde a été confiné là, avec le Covid, justement, ce soir-là, je devais aller à un concert avec ma femme. Bon, il y a eu pas mal de concerts d'annulés. Hein. D'ailleurs, c'était au mois d'avril, on avait prévu un Mavrika Live, le numéro 12, et qui a été annulé. Donc, et puis aujourd'hui, donc, on peut quand même l'annoncer à nouveau. C'est relancé donc le 10 juin. Il aura lieu le 10 juin, le Mavrika Live numéro 12, avec la même affiche. C'est-à-dire que nous, on avait prévu une affiche. Alors là, ça fait, c'est en 2020, on est en 2023, 3 ans après, on a recontacté les mêmes personnes pour voir s'ils étaient toujours OK. Ils ont tous répondu OK, on est là pour le prochain Mavrika Live. Donc je peux annoncer déjà, il y aura le groupe Duke qui sera en interscène, il y aura Melody Road, il y aura le groupe Yeti et il y aura le groupe Custom. Voilà, ils sont prêts. Donc nous, on va préparer encore tout ça, on a encore un petit peu de temps. Mais donc le 10 juin, il faut réserver cette soirée, ça sera le Mavrika Live numéro 12. Voilà. Donc vas-y, je t'ai coupé pour annoncer ça. Mais pas de souci, parce que c'est une très belle annonce et je trouve ça super de rappeler les groupes qui était prévu. Je trouve que c'est vraiment initiative. Quand on annule, c'est vrai que ça a été compliqué, parce que moi dans l'émission Mavrika, j'ai souvent dans nos invités presque 6 mois d'avance. faut savoir que les gens, pour venir dans l'émission Mavrika, souvent ils sont prêts à attendre longtemps. Bon, on cale la date et puis quand ça arrive, après on se recontacte, on voit comment ça se passe, etc. Et quand il y a eu le Covid, il a fallu annuler 6 mois. Donc 6, en moyenne il y a 4 groupes par mois, donc un paquet de groupes qui devaient passer, qui ne sont jamais passés. Il y en a certains d'ailleurs qui ne sont jamais venus, parce qu'il y en a certains qui ne se sont pas relevés d'après le Covid. Ouais, ça il faut le savoir aussi. Hein. Et puis les associations, pareil, il y en a beaucoup qui ont lâché carrément. Et nous, la nôtre, elle s'est mise en stand-by pendant un certain temps, et là on essaie de la réveiller pour pouvoir justement faire jouer des artistes dans une belle salle, hein. C'est une salle de 500 personnes, donc une grande scène, donc ça nous fait plaisir à chaque fois d'organiser ces Mavrika Live, et donc ça sera l'édition numéro 12. Voilà. Après, j'ai encore d'autres choses à voir, il faut que je révise, parce que il y a tellement de dates qu'on pourrait annoncer, mais il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres, donc c'est pour ça qu'on va les annoncer au fur et à mesure. Donc pour Françoise, voilà, tu nous as dit que tu allais souvent au concert. Alors aujourd'hui, tu vas peut-être voir des musiques plus variées, non ? Oui, en fait, maintenant, bon, le problème qu'il y a sur Paris, c'est qu'il y a effectivement des grands groupes qui vont passer dans des très grandes salles. Et pour moi, les grandes salles, bon, alors, j'ai été dans des concerts, effectivement, dans des grandes salles. J'étais à des concerts au Parc des Princes, par exemple. Mais maintenant, j'essaie surtout d'aller dans les petites salles, en fait, voir plutôt des groupes un peu plus, peut-être un peu moins connus, mais plus en, effectivement, dans des salles 400, 500 personnes où il y a vraiment une bonne ambiance. Et effectivement, on entend mieux la musique que dans un stade, parce qu'un stade, c'est bien pour jouer au foot. Oui. Mais pour la musique, ouais, je suis pas convaincu encore. Donc, voilà. Mais bon, après, moi, je sais que moi, je suis quelqu'un qui aime bien aller au concert. J'y vais dès que je peux. Et surtout quand il y a la possibilité de voir des artistes que j'ai déjà reçus ici. Parce que moi, des fois, je reçois des artistes, je les ai jamais vus en concert. Et inversement, des fois, c'est certains que je vais voir en concert. Et après, ils viennent dans l'émission. Et donc, je connais les salles dans la région d'Orléans. Il y a beaucoup de petites salles. Hein. C'est vrai que des salles de 500 personnes, on peut dire que c'est déjà des grandes salles ici. Ah oui, c'est des grandes salles. Et c'est vrai qu'il y a des salles où j'ai beaucoup de plaisir à y aller parce que le son est excellent. Il y en a d'autres, je sais que le son, il sera pas au rendez-vous, mais c'est histoire de découvrir le groupe. Parce que c'est vrai qu'il y a des salles qui sonnent vraiment bien, qui ont été étudiées pour ça. Et il y en a d'autres, bon, c'est des bars ou des choses comme ça qui n'ont pas forcément une très bonne acoustique. Mais bon, on y va quand même pour encourager les groupes et pour... Bon, quand on connaît les morceaux, ça nous aide, mais c'est vrai que c'est plus difficile à découvrir des nouveaux morceaux quand le son est pas au top, quoi. Mais bon. Mais après, ils ont moins le mérite de le faire. C'est pour ça qu'il faut y aller à tous les concerts. Il faut aller encourager les artistes. Ça, c'est quelque chose de très important. Et toi, Anaïs, tu y vas aussi ? Avec les enfants, c'est difficile. Donc, il y a aussi des trucs pour les enfants, des fois. Oui, oui. Mais non, le dernier concert où j'y étais, je ne me rappelle plus, je crois que c'était Gwen Stefani. Ah ouais, ça date. Hein. Mais après, on a eu les enfants et tout. Mais moi, j'aimerais bien voir, comme disait François, des groupes pas forcément encore très très très connus, mais c'est intéressant de découvrir de nouveaux artistes. Donc voilà. Ensuite, il faut avoir le temps entre le travail, parce que moi, à côté, je suis quand même enseignante, donc j'ai un travail à côté, les enfants. Et puis là, la musique, ensuite, il faut trouver le temps. C'est compliqué. Mmh. C'est compliqué, c'est vrai. Ouais. Mais sinon, oui, j'aime aussi écouter de la musique, aller voir des concerts quand je peux. Je voulais aller au concert de la Jarry, mais malheureusement, on peut pas y aller le 1er avril, mais ça m'aurait plu d'y aller. D'autres dates. Moi, je peux dire une chose, c'est que la Jarry, je l'ai su déjà depuis pas mal de temps. J'ai été à une quantité... je crois que c'est un des groupes que j'ai été le plus voir sur scène. Et à chaque fois, c'est différent. À chaque fois, il m'épate à chaque fois. Voilà, franchement, il y a des groupes. Des fois, on peut très bien aller les voir une fois. On se dit ouais, je les ai vus une fois. Mais eux, à chaque fois, on y va. À chaque fois, on se prend une claque parce qu'à chaque fois, ça bouge, c'est interprété différemment. Puis c'est des super super musiciens. Et voilà, c'est un vrai plaisir. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir la Jarry, allez-y. On va guetter d'autres dates. C'est vrai que le 1er avril, on peut pas, mais. Je vais surveiller les. Ouais, ça sera l'occasion de revenir sur Orléans peut-être. Hein, oui, voilà. Voilà, c'est pareil, ils tournent aussi dans la France entière. Oui, ils doivent tourner sur Paris aussi, je suppose. Oui, oui, voilà. Bon, ça, c'est, je pense que assez régulièrement. Je sais qu'ils vont dans toute la. C'est vrai qu'il y a les gens que vous écoutez à la radio. Je parle pas de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika. Dans les radios générales, hein, on en a parlé tout à l'heure, des radios qu'on écoute régulièrement, hein, dans notre voiture. Et il y a ceux qui sont connus parce qu'ils font des concerts, qui tournent dans des vrais musiciens. Et donc la Jarry fait partie de justement ces musiciens. Et comme j'en ai rencontré pas mal, des fois, il y en a certains qui me disent « Tiens, il y a un tel qui te passe le bonjour. Ah ouais, un tel de tel groupe, etc. » Donc voilà, ça fait plaisir de savoir voilà des gens que j'ai interviewés, qui ont discuté de mon émission avec d'autres. Et ils ont dit « Ah, tu le connais aussi, et ainsi de suite. » Et ça me revient. Donc je trouve que c'est une bonne reconnaissance. Et donc, tiens, je pensais entre autres, c'était la Jarry justement qui me disait « Tiens, t'as le bonjour de Paul. » Je dis « Paul, oui, le chanteur des Fatal Picard. » Je dis « Ah oui, oh, bah, super ouais. !» Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter ensemble à plusieurs reprises. Je les ai interviewés à plusieurs reprises. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur parce que c'est quelqu'un qui est super. Et en plus, voilà, c'est encore un groupe qu'il faut aller voir. C'est les Fatal Picard, par exemple, si vous avez l'occasion de les voir sur scène. Franchement, moi, j'imaginais pas ça avant de le voir, quoi. Et quand j'ai été les voir, je dis franchement, ils sont géniaux, quoi. Voilà, il faut découvrir. Hein. Je pense que c'est important. Et toi, Julien? Alors, le dernier, du côté de chez nous, on a la chance d'avoir des personnes qui aiment organiser des festivals. On a le festival du Pays de Bière qui se trouve à Pertan-Gâtinais. Cette année, il y avait Louis Bertignac et Gérard Lanvin et son fils. Ah ouais. Donc c'était une belle affiche. Manu Lanvin, ouais, que j'ai eu l'occasion de voir aussi. Donc c'était vraiment très bien. Et juste à côté, on a aussi un petit festival qui est à Fleury-en-Bière, qui est aussi très bien organisé. Il y avait, je crois, les Forbans, il me semble, cette année. Mais à chaque fois, ils essaient de trouver des artistes qui font vivre un peu les comiques qui sont un peu autour. Donc c'est vraiment très bien. Ensuite, niveau concert qui m'ont marqué. J'avais été voir les Vents Passent il y a très longtemps au festival de Melun. C'était le bruit de Melun. Voilà, les Vents Passent, un groupe qui a une réputation énorme. Il faut aller les voir en concert. Ah, et pourtant, on les entend jamais à la radio. Et c'est vraiment dommage qu'on mette pas en valeur ces artistes-là. Voilà. Ouais, tout à fait. Vraiment, Didier Vents Passent, c'était vraiment incroyable sur scène. Oui, et puis c'est un groupe qui vit depuis longtemps. C'est ouais, vraiment une carrière incroyable, quoi. C'est un groupe qu'il faut aller voir vraiment en concert, quoi. Tout à fait. Et ensuite, Mayu Chao, que j'adore aussi, qui chante aussi en espagnol, donc et les Chacapunk, qui m'ont vraiment marqué. Ah ouais, les Chacapunk aussi. C'est au festival de Montreux, malheureusement, qui n'existe plus. On avait pu les voir. Ouais, j'y étais aussi, je me rappelle. On avait pu les voir et c'était aussi exceptionnel. Ils se donnent sur scène. Le chanteur se donnait sur scène, c'est incroyable. Très bien. Alors là, je suis en train de regarder parce que j'essaie de trouver l'affiche pour ne rien oublier. Et voilà, je suis tombé dessus. Donc, il y a aussi un autre concert que je voulais parler. C'est pour ça, tout à l'heure, j'attendais d'avoir toutes les informations. Alors, ça sera le samedi 8 avril. Donc, ça sera la semaine d'après la Jarry. C'est le Creek Fest organisé par notre ami Christophe, qui nous appelle régulièrement, qui nous écoute régulièrement aussi, et qui fait partie du groupe Prisma. Donc, le groupe Prisma, c'est un groupe qui fait du rock FM. Alors, j'ai trouvé ça original parce que c'est vrai que c'est un rock qui a été mis un petit peu de côté parce que c'était le rock des années 80, c'est-à-dire que le rock un peu qui venait avec des premiers synthétiseurs. Donc, le côté un peu hard rock avec du synthétiseur. Donc, c'était le groupe le rock FM qu'on appelait à l'époque et qui a un petit peu disparu après. Et là, donc, ils remettent ce style au goût du jour. Et il y aura aussi d'autres groupes. Il y aura Earthline, que je ne connais pas, et le groupe Warm Up, que j'ai déjà reçu il y a quelques années. Je crois qu'il y a eu des changements au niveau des musiciens. Mais bon, un groupe de rock AOR, je ne sais pas ce que c'est, un groupe de hard rock et un groupe de hard mélodique. Voilà, rock FM, hard mélodique dans ce truc-là. Donc ça se passe à l'espace Loire à Cléry-Saint-André, donc c'est au sud de la Loire. Hein. Et l'ouverture des portes aura lieu à 19h. Et donc, je rappelle, c'est le samedi 8 avril 2023, donc le Creek Fest numéro 2, voilà, organisé par une association super qui aime la musique. Bon, c'est du rock qui envoie, hein, on parlait tout à l'heure de hard rock, de métal et tout ça. Donc voilà, si vous aimez ce style de musique, le rendez-vous est pris, et puis j'espère bien pouvoir y aller cette fois-ci parce que j'ai pas pu assister au premier. Voilà. On revient dans les studios Radio Arc-en-Ciel avec le groupe Anaïs from Paris et on va continuer à découvrir un peu votre univers parce que le temps défile, hein. C'est vrai que les 3 heures finalement, 3 heures c'est long, mais finalement ça passe très très très vite et on a encore des morceaux à écouter, il y a encore des morceaux de live à interpréter, donc on part sur une série de live là. deux à la suite. On fait comme ça. Très bien. Donc voilà, ça va être rapide. Décidé. Vous êtes décidé pour les morceaux que vous allez interpréter? Ouais, on est décidé. Ok. T'es pas... Donc j'arrête la petite musique de fond. Un petit peu de douceur dans ce monde brut, hein. Moi je trouve que c'est bien, une musique bien douce, bien agréable. Donc cette musique-là, ce morceau, comment s'appelle-t-il ? Je n'ai pas décidé de souffrir. Ah oui, c'est assez long, je n'ai pas décidé de souffrir. Ouais. Et qui c'est qui l'a écrit ? C'est Julien qui l'a écrit. C'est Julien, très bien. Donc voilà, ça parle finalement de la vie des gens, quoi, finalement, parce qu'on décide pas finalement de souffrir dans la vie. Voilà, tout à fait. En fait, c'était un soir d'une très forte douleur. J'avais vraiment très mal. J'étais malade. À une douleur puissance 10. Et en 10 minutes, toutes les paroles sont sorties. Mais j'avais vraiment, les paroles qui sont là, c'est vraiment ce que je ressentais vraiment, envie de crever, etc. Et c'était Anaïs qui me regardait et s'est baissé. C'était des baisers d'oxygène qui me permettaient de rester à la surface, quoi. Donc je suis pas le seul à souffrir dans toute une vie. Et ces paroles-là sont dédiées à toutes les personnes qui souffrent malheureusement. Mmh. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais par exemple quand on imagine les gens après des accidents, des choses comme ça, qui mettent des années à se reconstruire, parce qu'il y a le côté physique, il y a aussi le côté moral, hein, et c'est vrai que la souffrance, elle peut être très, très très grave et donc on se dit vraiment le courage que les gens ils ont, parce que c'est vrai que des fois dès qu'on a un petit bobo on se dit voilà c'est la fin du monde, et à côté de ça il y a des gens qui ont subi des opérations sur opérations etc, et on se dit franchement chapeau, parce que ils ont pas décidé de ce qui leur arrivait, mais finalement c'est quelque chose qui les a rendus extrêmement forts moralement et tout ça, donc ben, on va penser à tous ces gens-là, et c'est vrai que c'est très important, et je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent ce soir qui sont dans des conditions comme ça, donc c'est pour ça on pense à eux. Mmh. Voilà, très bien, une très belle chanson. Une deuxième à la suite ? Oui, Christmas Disease. Voilà, donc la maladie de Noël. Voilà. L'émotion est là, voilà, une guitare, une voix, et puis quoi d'autre? What else, comme on pourrait dire. Voilà, très bien, en tout cas, superbe interprétation en direct live, très belle chanson. Et ce que je regardais aussi, tu vois, il y a des choses des fois qu'on n'imagine pas, c'est tu as une voix qui est toute douce, toute fine, mais tu as une puissance, moi je m'en rends compte, hein, parce que je suis obligé de baisser le... quand tu chantes, effectivement, il y a des dynamiques. Et c'est marrant d'analyser les trucs, parce qu'il y a ce qu'on entend, et puis il y a après aussi ce qu'on mesure, et on se dit, waouh, là quand même, tu en vois bien, quoi. T'as une très belle voix qui passe très bien, en tout cas à la radio, et je pense aussi en concert. Merci. Ce que tu dis là, c'est complètement vrai, parce que justement, quand on fait les maquettes et que Anaïs m'envoie les enregistrements de sa voix, derrière, effectivement, quand je dois mixer, effectivement, c'est compliqué. Oui, parce qu'il y a des dynamiques, ça monte très vite. Hein, elle est capable de chuchoter, de chanter en chuchotant, et tout d'un coup, paf, ça part. Oui, des fois, on est un petit peu surpris. C'est mon caractère aussi, quelque chose. Ça part vite. D'accord, c'est le côté Iber, ça, non? C'est espagnol, ouais. Voilà, c'est volcanique. C'est très bien. Voilà, donc, on a découvert plein de choses. Quelles seraient les deux couleurs qui illustreraient le mieux votre univers? Les couleurs, vraiment la couleur, hein? Rouge, vert, bleu. Ah, une couleur. Oui, oui. Oui, c'est vrai que... Parce que t'as dit couleur, ça me faisait penser à la chanson. Couleur, café. Ouais, après. Couleur, café. Je sais pas. Moi, j'aime le rouge. Mais c'est peut-être une couleur qu'on retrouvera sur les pochettes de vos albums. Ah, en fait, oui, c'était plutôt. T'avais utilisé quoi, toi, comme couleur? C'est plutôt du violet, en fait, Voilà. Girly, un peu rose mauve. Voilà, on essaye de donner un petit côté girly. Ce qu'on retrouve un petit peu sur l'affiche aussi. Là, ouais. J'ai eu ça. Donc, Anaïs from Paris, c'est écrit avec une tour Eiffel. Ouais. Et le A de Paris devient le I de Anaïs, c'est ça, hein? Oui, en fait, c'est la tour Eiffel qui fait d'abord un A et ça fait le I, voilà. Ça fait le I. Et puis, c'est sur un fond, c'est cette couleur-là. Donc, finalement, qui serait retenue. Une deuxième couleur? comme je disais, le rouge, mais ça, c'est moi, c'est personnellement, ensuite. Moi, j'aime bien le bleu. J'ai plein de guitares qui sont bleues. Voilà. Bleu, ok. D'accord. Bon, une très belle guitare, en plus, ce soir. C'est vrai qu'il y en a déjà qui ont eu, mais pas bleu comme celle-là. C'est vrai que bleu, c'est une guitare, on va peut-être pas citer la marque, je sais pas, mais qui a un dos arrondi, là, qui est très connu. C'était Bob Marley qui en utilisait une sur... Alors, pour la petite histoire, cette marque, qu'on ne citera pas, à la base, en fait, c'est... je sais pas si vous connaissez, c'est en fait un monsieur qui était passionné de guitare et qui, donc en fait, la corde et la guitare, c'est pas du bois, c'est une fibre spécifique. Et ce monsieur, était passionné de guitare, mais dans son métier, il était en fait... propriétaire d'une grande entreprise aux États-Unis qui fabriquait des hélicoptères. D'accord. Et il s'est, il est dans les fibres de carbone, dans tout ça, et à un moment, il s'est dit, j'ai envie de construire des guitares. Donc, il a construit des guitares, mais évidemment, en utilisant des technologies qui venaient du monde aéronautique. Et effectivement, ça a fait des guitares sympathiques et très, très solides. Et qui sonnent très bien, en plus. Hein. C'est vrai que j'aime bien le son de ces guitares-là. Et en plus, c'est vrai que le côté... on aime bien le bois naturel, on aime bien les choses comme ça, mais au niveau de la maîtrise du son, ça doit pas être évident, parce qu'on fait deux guitares identiques, et finalement, le bois a ses spécificités que d'une guitare à une autre, elle sonnera pas pareil, déjà. Alors que là, les fibres, finalement, c'est mieux maîtrisé, c'est vraiment, je pense, un matériau qui... Alors, sur la guitare, en fait, le corps est... C'est de la fibre, mais la table est toujours en... C'est du bois. Toujours donc en bois. Ça, ça reste du bois. Et en fait, le son d'une guitare acoustique, c'est vraiment la table d'harmonie. D'accord. Qui vraiment a le plus d'effet, en fait, sur le son. Très bien. Mais attention, si on se met à parler guitare, c'est jusqu'à 5h du matin. Mais c'est intéressant parce que moi, quand j'ai commencé l'émission, moi, j'ai toujours été un passionné de musique, mais je n'y connais rien. Je ne suis pas musicien moi-même. Petit à petit, j'ai appris à avoir des belles guitares. Et puis, comme je suis ici, j'écoute aussi au casque et des fois, je dis, oh, cette guitare, elle est bien. L'autre, elle est jolie, mais elle sonne moins bien. L'autre, dis donc, elle a un son excellent, etc. Donc, petit à petit, je sais que j'ai mes préférences aussi. Je pense que chaque guitare correspond à un style de musique. L'interprète aussi, il l'a choisi par rapport à ce qu'il a envie de faire. Mais moi, c'est vrai que j'ai appris à connaître, pourquoi cette guitare-là, pourquoi ce truc-là. J'apprends beaucoup de choses par rapport aux musiciens qui amènent des très beaux instruments. Voilà, comme ça. Voilà, très bien. Donc, et c'est vrai que en discutant, j'apprends plein de choses parce que moi, j'y connais rien. Mais par contre, à mon oreille, je sais déterminer quand ça sonne bien, quand ça sonne pas bien, quoi. En tout cas, voilà. On va parler maintenant, parce qu'on arrive à la dernière partie de cette émission, de vos projets. Alors, quels sont-ils? Alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres enregistrements déjà? Je vais laisser parler le boss. Je parle. Alors déjà, on a des concerts prévus. Donc on a un concert le 5 avril, c'est ça? Oui. Voilà, c'est dans un restaurant un peu qui s'appelle Lucky Fogs. Ça se trouve à Lieusaint, au Carré Sénart. D'accord. Et normalement, on va jouer à Lizy-sur-Ourcq au mois de mai. Je crois c'est 6 ou 7 mai. 7 mai. Voilà, il y a une brocante et il y aura une scène. Et donc on sera sur scène. Et sinon, on cherche des dates. Hein, donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, s'il y a des gens dans la région orléanaise qui veulent vous faire venir, ça serait bien, justement. Il n'y a aucun souci. Avec plaisir. On serait ravis de sortir de la région parisienne, en fait. Bon, pour nous, c'est pas très loin, comme on est vraiment sud de la région parisienne. Hein, et donc, on est vraiment... on serait ravis de venir jouer à Orléans. Et concernant les enregistrements, il faut qu'on trouve... Alors, on a des contacts avec des studios. On essaye de... d'enregistrer, voilà, pour continuer à pouvoir mettre justement des chansons sur Internet. Alors Internet, ça permet de faire découvrir sa musique. Alors c'est vrai que maintenant, effectivement, ça peut faire aussi un peu concurrence à la musique live. Mais ça a quand même un intérêt parce que là, on peut voir un peu sur qui vient écouter notre musique. Et par exemple, là, j'ai vu qu'il y avait des gens du Canada, des gens d'Italie, des gens des États-Unis. C'est surprenant quand on voit ça. Qui viennent écouter notre musique. C'est sympa de se dire que voilà, il y a des gens au bout du monde. Aujourd'hui, c'est plus les frontières. Avant, c'était la distance. Aujourd'hui, la distance n'a plus d'importance puisque sur Internet, on peut découvrir des artistes de partout. Moi, le premier on a l'adresse mail, hein, mavrika@live.fr, sur lequel je reçois beaucoup de messages, hein, principalement de musiciens. Et j'ai aussi des boîtes de production canadienne, par exemple, qui m'envoie des trucs, mais je dis, mais oui, mais bon, c'est bien, mais je les aurais jamais dans mon émission, donc quelque part. Mais des fois, quand je vois des choses qui me plaisent bien, je le diffuse aussi avec beaucoup de plaisir. Et comme il y a aussi beaucoup de boîtes de production françaises qui m'envoient et qui nous font découvrir des artistes qui sont pas forcément de la région orléanaise, mais qui sont de toute la France, j'ai toujours un plaisir de découvrir des artistes comme ça, quoi. Mais comme la France est petite finalement, ils peuvent venir. Et nous, dans l'émission Mavrika, on a déjà reçu quand même des gens. Tiens, on parlait de Max de Giovanni qui était venu de Biarritz. On a parlé de Hervé Deroff qui vient régulièrement de Brest. On a eu aussi des groupes qui sont venus de l'étranger. Une fois, j'ai même fait l'étranger, je parlais de la Belgique, un groupe qui était venu deux fois de Belgique dans l'émission. Et une fois, j'ai même fait une interview d'un groupe espagnol, avec mon peu d'espagnol. On a réussi quand même à discuter ensemble. C'était un groupe Camping Gas, c'est un groupe de Valladolid que j'avais eu l'occasion de rencontrer. Et c'était l'occasion. Et à cette époque-là, ils avaient du succès. Ils passaient même à la télévision espagnole. Et moi, j'avais la chance de connaître justement le chanteur. Et j'avais pu l'interviewer comme ça. Et j'ai trouvé ça sympa. Donc, j'essaie de traduire je parlais en espagnol. Et après, je traduisais en français avec mon petit peu. Ouais, c'est pas évident. La radio, c'est pas facile. Mais bon, c'était le côté vivant. Voilà, on a quelqu'un qui est en Espagne, qui est en train de faire une interview avec une radio orléanaise. Et donc, je trouve que c'était super sympa, en tout cas. Voilà, donc, OK, au niveau des projets. Alors, vous allez... est-ce que vous avez déjà vu d'autres studios qui vous plaisent ou est-ce que vous avez envie de refaire avec les mêmes ou... Alors, pour l'instant. On referait bien avec les mêmes, là, avec les deux personnes qui étaient étudiants là, dans cette école d'ingénieurs du son, mais là ils ont fini leur formation, donc ils sont ah ouais, voilà, donc on a quelques contacts, mais faut trouver le temps, faut trouver l'organisation, ben, comme toujours, hein, on est des musiciens indépendants, donc on a des métiers à côté, donc c'est vrai que c'est moins facile quand il faut jongler entre une vie professionnelle, des enfants jeunes dans certains cas, bon, les miens sont un peu plus vieux donc ça va, et puis comme on est quatre musiciens, il faut aussi que nos agendas soient à peu près synchronisés, donc c'est pas évident. C'est pas toujours évident, hein, c'est sûr. On travaille dur, on répète vraiment régulièrement. Toutes les semaines, et même là, quand on a des concerts, je pense qu'on va répéter deux fois par semaine. Donc, il faut d'abord être bien en place, bien travailler les morceaux, et puis une fois qu'on sent vraiment bien les morceaux, aller en studio. Parce que aller au studio, c'est pas gratuit, donc il faut pas perdre de temps. Il faut pas perdre de temps. Arriver en étant très préparé, surpréparé quasiment, pour se faire plaisir, pour être détendu, se faire plaisir en studio. Et puis c'est comme ça que ça marche bien. Moi, la première fois que j'avais entendu parler d'une expérience comme ça avec des étudiants qui veulent devenir ingénieurs du son et qui font des projets comme ça, c'était avec le groupe Jack F, oui, tout à fait, avec Jack Février qui est déjà venu à plusieurs fois ici avec des projets différents. Et il m'avait parlé justement qu'il enregistrait, et c'est vrai que les albums qu'il enregistrait dans ces conditions-là étaient super bien enregistrés parce que justement les étudiants essaient de donner le maximum pour, c'est comme passer un examen, quoi. De faire le mieux possible et le résultat en tout cas est très agréable aussi bien dans votre cas que dans celui de Jack F. Voilà, vous le connaissez, non? Jack F, il est aussi de la région parisienne, non, donc il vient assez régulièrement ici. Il faisait plusieurs groupes différents. Le dernier projet que j'ai reçu, c'était les Uncle Bikers. Voilà. Oui, parce qu'il fait du blues, il fait du rock, il chante en français, c'est son projet français. Donc c'est quelqu'un qui est passionné de musique. Et c'est un vrai plaisir aussi de le voir sur scène, parce qu'il y a des gens comme ça. Bah, lui, dès qu'il est, il est transcendé une fois qu'il est sur scène. Et voilà, on participe à un événement avec lui. Sur scène, c'est vraiment quelqu'un de... C'est une bête de scène, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est bien de parler de d'autres artistes. D'autres projets, sinon, des clips vidéo, une tournée internationale. Alors, justement, au showcase qu'on a fait à Paris, là, samedi dernier, là, y a un monsieur qui est venu nous voir après le concert, qui nous a dit, vous auriez beaucoup de succès au Canada. Donc, Suisse. Ah, bon. Ou en Suisse aussi. Et en Suisse, voilà. Suisse, ouais. Et Canada, donc voilà, il va falloir qu'on essaye de s'exprimer. Ouais, faut. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'il y a des pays où la langue française est quand même, voilà, on aime la langue française, et c'est vrai que c'est une très belle langue. Et justement, il y a des pays qui sont comme les Canadiens, qui sont entourés d'anglo-saxons. Entendre des Français, c'est leurs cousins qui vont chanter en français. Pour eux, c'est quelque chose de super. Et j'ai aussi une expérience d'un groupe qui était passé ici dans nos studios et qui avait été faire un concert, plusieurs concerts au Portugal et chanter en anglais. Et les Portugais, ils disaient, on est un peu déçus parce que, en anglais, nous, on savait que c'était un groupe français, donc on s'attendait à ce qu'ils chantent en français. On aurait bien voulu qu'ils chantent en français. Donc c'est vrai qu'il y a des pays comme ça où on aime bien entendre aussi d'autres langues. Et après, c'est vrai que c'est pas toujours évident. On parlait tout à l'heure de l'espagnol. Les Français sont pas tellement habitués à écouter la musique en espagnol. Ils sont habitués à écouter, quand c'est de la bachata ou des trucs comme ça. Oh, ça sonne bien, sud-américain, etc. Ouais. La salsa. Mais alors, des chansons, il y a des très belles chansons en espagnol. On n'a pas cette habitude d'écouter. Je crois que c'est culturel, hein. Pareil, moi, on m'a déjà dit, voilà, au Portugal, oh ouais, je chante du rock portugais. Ok, mais je comprends pas. Il dit, mais tu comprends ce qu'ils disent en anglais? Non plus. Mais en anglais, ça passe parce qu'ils sont habitués. On nous bassine avec de la musique anglaise depuis tout petit. Hein. À la radio, on écoute une chanson sur deux et anglaise, hein, pratiquement. Et c'est vrai que si on habitue aussi les gens à écouter de la musique en d'autres langues, après, c'est culturel, on a l'habitude. Moi, ça me dérange absolument pas d'écouter du rock en espagnol ou en portugais. Voilà. Et certaines autres personnes, oui, si c'est pas en anglais... Ça va pas. Et c'est vrai que même la langue française sur le rock, il y en a certains qui sont réfractaires, hein, et d'autres qui adorent. Donc, comme quoi. Mais il y a des groupes qui ont très bien réussi, hein, je pense entre autres Téléphone, Indochine, des groupes en français qui... Trust aussi, oui, voilà. Trust, n'oublions pas Trust. Trust, oh, il y en a eu d'autres, hein. C'est vrai que là, j'ai dit peut-être les plus connus, mais Trust aussi fait partie du trio, hein, on peut dire ça comme ça. Mais Anaïs chante très bien en espagnol, et quand on fait des concerts dans les bars, bon, on fait notre répertoire, mais on fait aussi quelques reprises, et on joue Porque te vas. Porque te vas, ouais. On va plus la faire, tiens. Ah bah, il n'est pas encore trop tard. Il nous reste encore une petite demi-heure. On va parler plus longtemps, je te rappelle. C'est un challenge. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite série acoustique encore? Bah, pourquoi pas celle-là, déjà? Porque te vas, et une autre. Comme vous voulez. Non, il veut pas. Folky Gosse. Donc, je baisse la petite musique de fond. Cette chanson, d'habitude, je me plante. Hein. Voilà. Va-t-il se planter? mais il y a des chansons. Bravo. Encore un morceau interprété en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel par le groupe Anaïs from Paris. En duo aujourd'hui. Hein. Ouais, en duo. Voilà, en duo. Donc après, il faut aller vous voir aussi en concert quand il y a tous les musiciens. Et là, ça en va un peu plus fort. Voilà, c'est différent. C'est un c'est petit différent. Peu plus rock, disons. Parce que là, c'est plus doux. Effectivement, comme il n'y a que guitare-voix, c'est pas le même... Mais par contre, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, quand on diffuse comme ça, et les enregistrements qui sont faits, ben, ils sont beaucoup plus exploitables que, par exemple, des fois quand il y a eu... Moi, j'ai déjà eu des groupes où ils étaient 8, où il y avait la batterie, il y avait le guitariste qui jouait dans le couloir parce qu'il n'y avait pas de la place, et avec l'ampli à l'intérieur. Et là, ça résonne, parce qu'on n'a pas non plus une pièce qui est traitée pour l'acoustique, donc c'est pas toujours évident. Et donc, les enregistrements, quand on les écoute, on dit « Ouais, ça, on l'a fait, c'était bien, on a marqué le coup, mais l'enregistrement, bon, il est pas terrible. » Et là, par contre, une guitare, une voix... Ça se gère bien et finalement le résultat il est super quoi. Ouais. À part au début, hein, c'est vrai que des fois je suis un peu surpris, donc le temps de baisser les potentiomètres, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, vous continuez sur votre lancée? Ouais. Avec un autre morceau? Burnout. Burnout? Très bien. Et c'est parti. Bravo. Merci. Encore une superbe interprétation en direct live et sans filet, hein. C'est vraiment en direct, hein. On est en direct dans l'émission Mavrika. D'ailleurs, je vais vous donner l'heure exacte, hein. Alors, il y a plusieurs heures différentes affichées. Donc, je vais vous donner celle de l'ordinateur. 21h39. Exactement. Donc, on arrive vraiment bientôt à la fin de cette émission. À la limite, si j'ai bien compté, il y a encore un morceau en live, hein. Mmh. Au moins un. Oui, au moins un. Au moins un. Donc voilà. Donc on va essayer de vous laisser le plus possible le temps de d'interpréter vos morceaux. Avant, je voulais vous poser encore quelques questions. On est sur une émission de radio. Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez un message à faire passer auprès des auditeurs? As-tu un message, François? Un message particulier. Écoutez, j'ai un message. En fait, c'est quelque chose que j'aime bien dire quand je parle avec des gens qui ont des jeunes enfants. C'est de leur dire de faire de la musique, en fait, de permettre à leurs enfants de faire de la musique. Parce que moi, je fais de la musique depuis que je suis tout petit. J'ai eu la chance de naître dans une famille de musiciens. Voilà, ma mère faisait de la guitare, j'avais un frère qui faisait du piano, l'autre qui faisait du violon, enfin voilà. Ça aide. Tout, voilà, moi j'ai commencé par faire de la clarinette, après voilà, je suis passé à la guitare et c'est vraiment quelque chose de super, la musique. C'est quelque chose qu'on peut faire toute sa vie. Ça permet de faire des rencontres. Voilà, on rencontre d'autres musiciens. Surtout la guitare, hein. Ouais. La guitare plus que c'est vrai que par exemple sur la plage, on sent une guitare, voilà. Ouais. Le soir d'été, c'est toujours agréable. Et puis ça plaît aux filles, alors que la batterie, c'est plus compliqué, hein. Oui, alors, non, mais la batterie aussi, c'est pas mal. Non, je dis ça pour plaisanter. Et ça permet de faire plein de rencontres. Ça nous permet de rencontrer, par exemple, le vendredi soir, en ayant des gentils animateurs radio. Voilà. C'est gentil, merci. Ça permet de faire ça. Les rencontres, je crois que c'est important. Je crois que la musique, c'est un prétexte finalement pour que les gens se retrouvent autour d'une même passion, quoi. Finalement, c'est ça, hein. Et puis, même quand on est tout seul, en fait, les musiques, vous rentrez stressé du travail, vous avez une grosse journée, prenez votre instrument, quel qu'il soit, la trompette, la guitare, vous jouez un peu, tout de suite, ça va mieux. Et franchement, si vous voulez faire un beau cadeau à vos enfants, offrez-leur un instrument et des cours de l'instrument, voilà, quel qu'il soit, l'instrument, tous les instruments sont bien. Ça me fait un petit peu sourire parce que je connais des gens, ils ont eu des parents qui étaient vraiment musiciens, mais eux ne l'étaient pas. Et leurs parents les ont tellement forcés quand ils étaient petits que finalement, aujourd'hui, ils sont carrément dégoûtés de certaines choses. Donc, je connais quelqu'un, par exemple, sa maman adorait l'accordéon, donc elle l'a forcé à faire de l'accordéon. Aujourd'hui, il ne peut plus écouter cet instrument parce que c'est des mauvais souvenirs. Mais je pense, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a des gens qui ont envie de faire de la musique, il faut surtout les aider, il faut surtout aller dans leur sens. Après, si vraiment c'est pas leur truc, ils préfèrent le sport, à la limite, il faut les aider dans le sport, quoi. Oui, le sport aussi. Et voilà. Mais bon, moi j'ai commencé, j'ai fait de la musique au conservatoire, j'ai fait de la clarinette, ça me plaisait quand j'étais gamin, puis après, effectivement, quand on est ado, on commence à écouter plutôt du rock, du hard rock. Les bases sont là. Et les bases sont là. La musique, voilà. Le fait de connaître le solfège, avoir les bases, après, quand on veut changer d'instrument, c'est tout de suite plus facile. Mmh. Et c'est jamais perdu d'apprendre des choses. Ah oui, non, surtout la musique, c'est quelque chose de super agréable. Et après, il y a aussi des gens qui ont appris tout seul. Moi, je connais des gens qui connaissent pas une note, qui rien du tout, mais qui ont cette émotion, cette sensibilité. Et voilà, ça le fait aussi. Mais c'est sûr que quand on a pris des cours, c'est quand même beaucoup plus facile, surtout pour travailler avec d'autres musiciens. Parce que voilà, on parlait de notes, les gens, ils vont comprendre. Celui qui connaît pas les notes qui joue, c'est compliqué pour transmettre aux autres musiciens. Mais bon, après, ça se fait aussi, hein. Il y a plusieurs écoles, on va dire ça comme ça. Donc toi, tu as fait le conservatoire, et c'est vrai que c'est la meilleure des écoles, je crois. Alors j'ai fait le conservatoire pour apprendre à jouer de la clarinette, mais quand je suis passé à la guitare, je n'ai jamais eu de cours de guitare, en fait. D'accord. J'ai tout appris en autodidacte, mais connaissant le solfège, et puis voilà. Alors, j'ai appris avec la méthode de Marcel Dadi. D'accord. Voilà, comme beaucoup de gens de ma génération. Et puis maintenant, ce qui est super aussi, c'est que sur Internet, maintenant, on peut trouver... Plein de choses. Voilà. Moi, je connais justement un musicien, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Bruno Manzini, qui est bassiste et guitariste de plusieurs groupes. Il est venu avec plusieurs groupes, entre autres les Stingers, et qui m'a dit, nous, à l'époque, il n'était pas tellement musicien. Donc, la guitare, il avait eu du mal à en avoir une. Et après, pour connaître les accords, il n'avait pas les moyens. Les parents n'avaient pas les moyens de lui payer des cours. Voilà, lui, il aurait peut-être fallu l'encourager. Ses parents auraient dû peut-être pouvoir. Bon, après, c'est une question de. Et donc, il allait dans les librairies, il ouvrait les livres, il regardait les accords, il se les notait sur sa main. Il rentrait chez lui, il jouait. Il dit, voilà, nous, on était comme ça, parce qu'on n'avait pas de... Donc, ce qu'on a appris, on a eu vraiment, note par note, on a pris les accords et tout ça. Et après, on est aussi avec le tourne-disque, on mettait le morceau et on le faisait tourner. Et puis, on essayait de jouer à la guitare pour imiter le mieux, donc beaucoup à l'oreille. Hein. Et c'est comme ça qu'il est devenu un bon musicien. Mais il faut dire que, voilà, c'était pas toujours évident, alors qu'aujourd'hui... Moi, je sais que j'ai eu un ukulélé dernièrement. Je ne sais pas absolument pas en jouer, mais j'ai trouvé quelques. On va sur Internet, on a une méthode, on prend trois ou quatre accords et on est capable de jouer quelque chose. Alors qu'avant, non, c'était pas pareil. Donc aujourd'hui, on a une facilité et en plus, on a même des vidéos. Il y a des gens qui vous expliquent comment faire et tout ça. Donc c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Alors YouTube c'est bien, mais bon, il faut pas oublier, il y a plein de profs qu'on peut aller voir. Avec, voilà. En contact direct, quand même aussi super. Hein, voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que YouTube c'est bien, mais on s'écoute, on a l'impression de jouer bien, mais c'est bien d'avoir aussi un regard extérieur. C'est-à-dire qu'un professeur, lui, va voir les petits défauts. Il va voir des choses qu'on ne se rend pas compte forcément. Il va voir aussi qu'on triche en faisant tel accord. Donc, il va dire, si tu fais comme ça, après, tu vas prendre de mauvaises habitudes, tu n'arriveras pas à faire d'autres choses. Et donc, ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui nous explique toutes ces choses-là. Parce que eux, ils l'ont déjà vécu, ils l'ont déjà appris. Et donc, ils transmettent une connaissance qu'ils ont. Et ça, c'est très important. Et on a des très bons professeurs de guitare, j'en connais beaucoup, qui sont déjà venus ici dans nos studios. Et donc, on salue tous les guitaristes. Et pas que, hein, parce que tous les instruments ont leur place. Hein. Franchement, quand c'est bien les jouer, c'est toujours très agréable. Bon, donc, voilà le message que tu voulais faire passer. Si vos enfants sont intéressés par la musique, aidez-les à le faire parce que c'est quelque chose qu'ils garderont toute leur vie, hein, et c'est quelque chose qui aide. Parce que, je vais le dire plus tôt, à la fin de chaque émission, on dit toujours des phrases magiques. Il y en a une, c'est « une vie sans musique serait une erreur ». Voilà, donc et je pense que c'est vrai, et je pense que tous ceux à qui je l'ai dit en fin d'émission sont tous d'accord avec moi. C'est vrai que si on n'avait pas de musique, ça serait une vie triste quand même, parce que finalement, c'est beaucoup de gaieté, beaucoup d'émotions dans la musique. Voilà. Très bien. Et toi, Anaïs, tu as quelque chose à dire aussi ? Non, je voulais juste remercier ceux qui nous ont écoutés. Voilà, bon. J'espère qu'ils ont passé un bon moment avec nous et nos musiques. Et j'espère qu'ils auront trouvé un peu de réconfort, un peu d'espoir. Voilà mon message. Un grand merci à ceux qui nous ont écoutés. Très bien. Et un grand merci à toi, Albino. Merci à vous, en tout cas. Il nous reste encore un peu de temps. On va essayer de faire un live et encore deux morceaux à diffuser. Donc, même si on dépasse de quelques minutes, je crois que personne ne nous en voudra. Et toi, Julien, tu voudrais dire quelque chose ? Un petit message. Oui, vivez vos rêves et soyez acteurs de vos vies et non pas spectateurs. Voilà, ça c'est très important. Ça c'est vrai que on le voit de plus en plus. Des fois sur Facebook, on voit des phrases comme ça, et on se dit c'est vrai que des fois il y a des gens qui ont vécu toute une vie pour faire plaisir aux autres, et finalement il faut vivre ses rêves, c'est le plus important, parce qu'on vit pour soi finalement. On vit aussi un petit peu pour les autres, mais d'abord pour soi. Et si on le fait bien, je pense que ça plaît aussi aux autres. Hein, voilà. Et il y en a certains qui des fois sont passés à côté de toute leur vie parce qu'ils ont voulu faire plaisir, et finalement ils ont rien fait pour eux. Et la musique, ça fait, c'est une des choses qu'on fait pour soi. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le voir. Voilà. Juste pour information, hein, ça c'est mon fils qui m'a appris ça, parce que mon fils aime beaucoup les philosophies. Voilà. Et la phrase « sans la musique, la vie serait une erreur », en fait, ouais, c'est une citation de Nietzsche. Nietzsche, oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on la cite depuis longtemps. Des fois, on dit qu'il l'a écrit, et des fois, on le dit pas, parce qu'on le dit à chaque émission. Donc, ça fait à peu près 400 et quelques fois qu'on le dit, hein, dans l'émission. Mais bon, et il y en a d'autres. Bon, je vais dire les trois, parce qu'il y en a trois qui reviennent régulièrement. C'est que le rock'n'roll soit avec vous. Alors ça, c'est on dit. Ouais. J'avais commencé l'émission où je disais ça quand j'étais tout seul avant de recevoir des artistes. Et je disais ça un peu la manière de Johnny Hallyday. Et c'est vrai que c'est resté. On s'est dit on va continuer. Et c'est vrai que des fois je reçois des groupes de salsa ou d'autres choses. Et donc je dis que la musique en général soit avec vous, parce que ça c'est important. Et l'autre c'est un message d'espoir aussi. Cette fois-ci c'est en anglais. C'est Everything is gonna be alright. C'est ça a été chanté par Bob Marley, par plein de gens, et c'était aussi la phrase que disait comment s'appelait le président Roosevelt, à la fin de chaque discours, le président de la Deuxième Guerre mondiale, voilà, à chaque, bon, il y avait la guerre, il y avait, ça allait pas du tout, mais il avait toujours ce message d'espoir, et c'est un message que je veux continuer à transmettre à la fin de chaque émission pour dire, voilà, on va de l'avant, même si ces trois dernières années étaient un petit peu compliquées pour tout le monde, bah, j'espère que maintenant ça va repartir et que tout ira de mieux en mieux, en tout cas. Voilà. Vous voulez faire un dernier morceau en live? Ouais. Vexé Nocturne. Ok. Bah, c'est celui que j'ai calé, donc on passera peut-être que celui d'après, alors. Ce morceau que je diffuse déjà depuis quelques temps dans l'émission Mavrika, bah, l'écouter comme ça en live, et bah, ça, c'est encore une dimension supérieure. Et puis si vous avez l'occasion d'aller voir Anaïs from Paris en concert, n'hésitez pas. Et puis j'attends que vous veniez sur Orléans, hein, c'est chaud. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour cette superbe interprétation. Excès nocturne, Anaïs from Paris. Ce qu'on va faire, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut parler avec nous, donc on va discuter un peu. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Albino? Ça va, Alex. Voilà, c'est notre ami Alex qui nous écoute. Je sais que tu as une drôle d'épreuve aujourd'hui. C'est pas évident, mais t'aurais voulu être là ce soir dans l'émission Mavrika. Et c'est pas bien grave. Anaïs from Paris, c'est le premier passage qu'ils font dans l'émission Mavrika. Quand ils voudront, ils reviendront ici avec beaucoup de plaisir. Et puis pour la prochaine fois, tu seras avec nous. Oui, oui. Donc, c'est sûr, on va pas épiloguer sur le sujet, mais on a une épreuve un peu difficile, mais qui correspond aussi à mes chansons que tu connais bien. Oui, tout à l'heure, j'ai passé ma vie et tout ça, donc. C'est ça. Donc, déjà, merci pour pour les petits clins d'œil, etc. Et puis aussi un grand merci d'avoir reçu ce groupe Nice from Paris. C'est un vrai plaisir, franchement. Depuis quelques temps, et j'ai eu la chance de les avoir tout à l'heure à la maison et de les entendre en live, comme toi, tu les as entendus. Mmh. Et c'est vrai que pour les auditeurs, ils se rendent peut-être pas compte, mais en live, moi, j'ai vraiment eu une émotion incroyable, et que ce soit la guitare comme la voix, c'était juste génial. Donc, je réitère ma proposition de faire un feat ensemble et de travailler sur un single ensemble. Et puis en tout cas, j'ai passé vraiment une très très belle émission à vous écouter. C'était génial, génial. Et j'invite les auditeurs, etc., à aller regarder sur toutes les plateformes, parce qu'il me semble qu'elles sont aussi sur Spotify, un petit peu partout. Donc faut écouter un petit peu toutes tes chansons et ils sont vraiment pleins d'espoir et que ce soit dans les paroles, dans la musique et dans la voix, j'ai trouvé ça vraiment génial. On est d'accord avec toi et puis maintenant on a des morceaux ici qu'on diffusera dans les prochaines émissions aussi, donc voilà, dans l'émission Marika, Anaïs from Paris. Alors c'est pareil, tout à l'heure je leur parlais en disant aussi qu'il y a plein d'artistes qui sont déjà venus dans l'émission, des fois ils se disent ouais tu passes pas mes morceaux et tout ça, mais il faut dire que l'émission aujourd'hui ça fait la 541e. C'est vrai que en projet il y a eu peut-être 400 projets différents qui sont venus ici, donc à chaque émission c'est difficile de diffuser chaque artiste. Mais bon, dès que je peux, je le fais. Ou alors après, il faudrait faire une radio où on ne fait que ça. Mais sur 3 heures d'émission par semaine, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Mais j'oublie pas tous les artistes qui sont venus ici dans l'émission Marika, parce que c'est grâce à eux que l'émission est ce qu'elle est. Et donc, on a besoin les uns des autres. Hein. Nous, avec la radio, on arrive à faire des belles émissions avec des artistes qui ne sont pas forcément connus et qui mériteraient justement d'être un peu plus connus. Donc, c'est notre but. Et puis les artistes sont ravis à chaque fois de venir dans l'émission. La preuve, c'est qu'ils viennent, ils reviennent. Donc toi, Alex, t'as pas vu venir aujourd'hui, mais bon, de toute façon, on garde le contact. Et puis un jour, à la limite, on ira faire un petit concert comme on l'a déjà fait ensemble, et puis découvrir d'autres artistes, parce que c'est notre passion, la musique. Et puis voilà. Donc qui s'assemble se ressemble, et quand on disait tout à l'heure, la musique c'est un prétexte pour rassembler les gens. Ben c'est très bien comme ça. Oui. Mais c'est sûr que de toute façon, il y aura toujours des déçus. Même moi, le premier, hein, quand j'écoute tes émissions, et je regarde et j'écoute avec attention, et je me dis, mais il m'a pas passé aujourd'hui. Oui, mais oui. Mais ça, on me le dit. Tu peux pas savoir, on me le dit à chaque fois. et j'entends un autre groupe, et je me dis, mais en fait, il m'a pas passé, mais génial, j'ai découvert quelqu'un, et je me porte d'intérêt pour ce groupe, et je découvre des choses aussi. Donc c'est ça la magie. Et c'est vrai que le côté frustré, c'est parce que on a envie de réussir, d'évoluer un petit peu et de monter. Mais il faut que tout le monde ait sa place. Et l'émission Mavrika, pour ça, elle est géniale et elle laisse de la place justement à tout le monde. Et donc un grand, grand bravo à toi aussi pour ça. Alors ce soir j'ai posté comme d'habitude le programme de toute l'émission donc avec tous les morceaux que j'ai diffusés. Alors il y en a certains, j'ai des problèmes d'orthographe au niveau anglais, donc on verra tout à l'heure pour compléter, parce que c'est pas tout à fait complet. Et justement il y a des gens qui se sont arrêtés hein, sur la publication et qui ont laissé des petits messages, ou alors des petits j'aime tout simplement. Et puis quand je regarde, attends, je suis en train de les faire défiler. Bon, il y en a un qui est pas musicien. Sinon, tous les autres sont musiciens. Et celui qui l'est pas, c'est quand même quelqu'un qui adore aussi la musique. Donc, vous mettez un petit j'aime. Et puis, ça me fera vraiment plaisir de voir que vous nous écoutez et que vous vous interférez aussi sur le Facebook de l'émission Mavrika. Voilà, Alex, en tout cas, on aurait bien été content que tu sois là, mais bon, ça sera pour une prochaine fois, de toute façon. Oui, moi aussi, j'aurais bien aimé être là, mais en tout cas, je vous ai écouté sur toute l'émission, et encore une très très belle émission, et un très beau groupe à découvrir pour tous les auditeurs et pour tout le monde. Très bien, vous avez quelque chose à dire, Alex? Bah oui, on va le remercier quand même, on n'osait pas parler. Merci, Alex. On était émus, en fait. Oui, on était en train de pleurer. On a été super contents de te rencontrer chez toi, voir ton joli studio. Et puis, moi, je suis hyper contente de te connaître. C'est un, Voilà, je te remercie du fond de mon cœur parce que des personnes comme toi, c'est rare. Des personnes qui veulent aider d'autres artistes ou d'autres gens, tout simplement, c'est très très rare. Donc merci énormément. Merci. François, tu veux dire quelque chose ? Alex ? Bah écoute, Alex, on a bien entendu ta proposition. Ah oui, bah, avec plaisir. Avec plaisir, voilà. Voilà. Donc, Parce que, enfin, voilà, moi j'ai beaucoup aimé aussi t'entendre jouer. Et vous viendrez présenter ça dans l'émission. Ah bah oui, on dit oui tout de suite. Hein. Alex, on va rappeler aussi que tu seras donc en première partie de l'Ajari le 1er avril. C'est pas une, oui, c'est pas un poisson, hein, c'est le, vraiment, t'as été choisi pour faire la première partie du groupe l'Ajari, un groupe qu'on aime beaucoup. Et ça sera donc à l'Alliage à Olivet le 1er avril, j'ai déjà dit. Donc voilà, je pense que le rendez-vous est pris et on espère qu'il y aura beaucoup de monde pour aller vous applaudir. Oui, oui, on espère, ça va être une très belle fête et on va passer un très très beau moment et je remercie encore Benoît et David hein, qui viennent dans ton émission souvent, mais oui. Je les remercie pour la confiance et pour cette proposition qui est vraiment sympa et on est ensemble depuis un bout de temps, c'est génial. Oui, je me souviens quand ils étaient passés dans l'émission, tu leur avais fait la surprise de débarquer en pleine émission, donc oui. Voilà, encore une surprise. Bah, je te remercie en tout cas, Alex, d'être intervenu quand même à la fin de cette émission. Et bah écoute, nous on est tout cœur avec toi. Je sais que tu as eu une épreuve aujourd'hui. Et puis on espère que tout va s'arranger très rapidement. Et j'espère que tu vas oublier ce truc là assez rapidement. Oui. Voilà. En tout cas, t'embrasses bien ta compagne. Et puis on se retrouve. Dès que c'est possible. À très bientôt. Et ben encore merci pour tout et puis une très belle émission. Bravo à vous tous. Merci Alex. Ça nous fait plaisir. Voilà. Encore une personne qu'on a rencontrée grâce à l'émission Mavrika et qui nous a rassemblés aussi ce soir, puisque sinon je vous aurais pas connu. Et grâce à Alex, donc Anaïs from Paris est venue à Orléans donc pour nous présenter son projet. Et on espère se retrouver tous ensemble un jour pour une prochaine émission. Donc vous êtes rentrés dans la Mavrika's Family ce soir et donc avec vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Il y a pas de souci. Voilà, merci. Donc il nous reste encore un morceau à passer. Je sais même plus si je l'ai calé, parce qu'avec toute l'émotion, avec Alex qui nous a appelé, avec votre morceau interprété en direct live, je vais le diffuser donc pour terminer cette émission. Et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec un groupe qui n'est jamais venu dans l'émission Marika, à part un des membres. C'était le bassiste qui faisait partie de deux Gig, qui fait aussi partie du groupe Ombrage. Donc ça sera Ombrage qui sera là la semaine prochaine pour présenter justement tout leur univers. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. C'était l'émission numéro 541. Et merci beaucoup à Anaïs from Paris, donc les gens qui se sont déplacés ce soir, Julien, François et Anaïs, et aussi les autres qui n'ont pas pu venir cette fois-ci, mais une prochaine fois, il ne faut pas hésiter. Voilà, merci beaucoup, et puis on écoute donc le dernier morceau. Merci à vous. Fait comme ça. Merci à vous. Merci. Ciao.